Oui, de la station numéro 4. C'est ça, on est là. Oh là là, on en est déjà là, j'ai envie de dire. Oui, c'est bah, fou, hein. En pas moins de d'un an et demi quand même. Oui, c'est vrai, on prend notre temps, mais bon. Fruit de la station saison 1, hein, j'ai envie de dire épisode 4. C'est quand même pas mal. Blague à part, en 3 mois. En 3 mois, exactement. Est-ce que c'est un bon rendement par rapport à ce qui se fait d'habitude? Je n'en sais rien. Moi, je trouve ça pas mal. On est quasiment. Bah, on est à une émission par mois à peu près. Oui, c'est ça. On a commencé, je me souviens très bien, le 8 octobre dernier. 2016, il neigeait. 2016. Il neigeait. Il neigeait sur mon cœur. C'était une soirée de pleine lune. Ouais. Comme on dit. Comme on dit chez nous. Bon, vous allez bien? Bah, ça va très bien. Et vous, Jean-Bière? Mais très, très bien. Très, très bien. Je vous souhaite une excellente année 2017. Merci, parce que j'en aurais bien besoin. Ça vient du fond du cœur. C'est vrai? Ça commence, parce que déjà, mon année commence très mal. Pourquoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que j'ai en face de moi. Oh, vous êtes très gentil, ça. Une émission qui commence très bien. Bon, c'est ça vos bonnes résolutions pour 2017? Mes bonnes résolutions, c'est d'être plus gentil avec vous. Oh, c'est adorable. Et d'essayer de dépasser votre difformité physique pour essayer de voir le petit enfant qui est à l'intérieur de vous. Oui, c'est ça. Exactement. Vous êtes vraiment un amour. Bon, vous êtes passé de bonnes fêtes? Oui. C'est vrai? Oh, bah, très bien, merci. Vous pouvez pas développer un peu? Bon, si, si, c'était bien. D'accord, vous vous en souvenez un peu? Ouais, ouais, c'était stylé. Vous avez fait quoi? Cassoulet? Bah, cassoulet frites, ouais. Et vous? C'est bien ça, j'étais à huître sandwich, moi. Ah, sandwich à l'huître? Sandwich jambon beurre d'un côté et huître chaude de l'autre. Ah, huître chaude, c'est bon, ça, c'était j'adore très ça. Bien, ouais. Ouais, ouais, non, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Vous, je sais que vous appréciez particulièrement cette période des fêtes. Vous en parliez à la dernière émission. Oui, mais moi j'appréciais de la faire avec vous surtout. Oui, c'est vrai qu'on était le 24 décembre ensemble. Moi je vous parlais plutôt du 31. Parce que pendant les fêtes, vous êtes toujours un peu plus aimable. Moi? Que le reste de l'année. Toujours gentil, je suis d'une extrême gentillesse, vous le savez très bien. C'est vrai en plus. En plus, c'est l'émission 4 et le chiffre 4, c'est un chiffre très important. Pourquoi? Eh bien, c'est la tétralogie. Tétralogie, chiffre 4? Ouais, okay. Ouais, c'est un peu les 4 7 nains. Les 4 mercenaires. Oui. 4 size. Oui, c'est vrai, ça, j'avais oublié, c'était bien 4 size. Vous connaissez le générique de 4 size? Ouais. Signé 4 size du démon. Mais oui. 4 size du démon. Très bien ça. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Allez-y. Solo de trompette. On va pas commencer directement, oui. Mon cher Jean-Bierre, en étant sur les chapeaux de voilà, roue comme ça. Voilà, exactement. On a pris le temps, pourtant, on s'est posé. Croyez-moi, j'ai essayé de lui enlever la bouteille. Mais arrêtez. J'ai essayé. On s'est posé. On a préparé à manger, surtout quelque chose qui a l'air très bon. On mange après l'émission, nous, en général. Mais donc voilà, on s'est posé. On a bu une petite bière. On a pris le temps de se retrouver. Donc voilà. Oui, et de se retrouver sans se brusquer. Exactement, exactement. Et maintenant, on commence ce numéro. Je mais commence. Oui. Tout de suite, pour annoncer un petit peu le sommaire, j'ai envie de dire de l'émission. Bien sûr, voilà. Plaisir. Donc dans l'émission, il y aura un fait du jour, nouvelle chronique présentée par Richie Booz, qui, à mon avis, va être très très bonne. La chronique géographie, quoi. Ah, c'est une chronique géographique. Tout à fait. D'ailleurs, très bien. Il y aurait, d'ailleurs, très bien. D'accord, très bien, surtout. Il y aura une personne du jour, un Quizzie Collé Quiz. Est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots ce que c'est le Quizzie Collé Quiz? Alors, pour ceux qui nous suivent, que j'embrasse, à qui je souhaite d'ailleurs une très bonne année 2017. On souhaite une excellente année à tous. Il y avait dans l'émission numéro 2 un Quizzie Quiz. Qui a marqué les mémoires. Qui était un excellent quiz sur la cuisine. Ouais. Et là, on va avoir un excellent quiz sur les collections. Sur les collections. Les collections. Collections d'œuvres d'art. Vous verrez, laissez un peu de place au mystère. Très bien. Bon, il y aura aussi une sorte de vrai-faux un petit peu sur la thématique du sport. Je vous en dis pas plus, pareil, vous verrez un petit peu ce que ça va donner. Ah, vous savez que c'est ma grande passion. Mais oui, ça se voit quand une physique d'athlète. Et aussi un petit commentaire audio. Et oui, on en a eu un deuxième. Comme la semaine dernière. Et on est très contents. La semaine dernière, exactement. Vous êtes une burne avec ça. Mais oh. Pardon, excusez-moi. Il y a des choses qui rentrent pas. Je ne vous juge pas. Bon, est-ce que vous avez, avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous avez vu, c'est devenu un petit peu une coutume dans l'émission, moi j'aime bien faire ça, est-ce que vous avez vu des films intéressants au cinéma, voilà, dans les derniers jours, dernières semaines? Oui, j'ai vu moult films intéressants. Juste un. Juste Bride un, si ouf, je devais en choisir un, alors ça c'était vraiment pas obligé. On mettrait le Tagada de Swan Swan. Non, même pas, il le mérite pas. Oh. C'est vraiment dur. Si je devais en choisir un, oui. Je choisirais Nocturnal Animals. Pourquoi vous le dites comme ça? Parce que vous me faites rire. C'est une casquette de chat qui vous fait. Nocturnal Animals. Oui, je l'ai vu aussi. Vous j'ai l'avez vu. Je l'ai vu l'excellent aussi. Film du non moins excellentissime Tom Ford. Alors bon, on va en discuter après, très rapidement, mais allez-y, continue. Donc, l'adaptation du roman Tony and Susan d'Austin Wright. Donc avec oui. Jack Gyllenhaal, Michael Shannon, entre autres, et Aaron Taylor-Johnson qui a eu le prix pour le meilleur second rôle, le Golden Globes. D'accord. Qui joue donc le méchant qui fait très peur avec sa moustache là, qui est très sale. Celui qui a ses toilettes sur sa terrasse là. Exactement. D'accord. Et qui était donc l'acteur qui jouait Kick-Ass. C'est vrai ? Ouais. Qui jouait le rôle de Kick-Ass. Et en fait, il est très jeune, il a à peine 26 ans. Ah ouais, le changement quoi. Voilà, le changement, il était excellent dans ce film-là. Et donc, le film est génial. Qu'est-ce que ça raconte en deux mots ? Moi, j'ai trouvé ça excellent. Vous n'avez pas trop aimé, mais on va en parler tout à l'heure. C'est pas que j'ai pas trop aimé, mais ouais, il y a des choses que j'ai trouvé qui étaient présentes dans le film et qui n'avaient pas grand-chose à faire là. Après, par contre, le film est très bien. Et en effet, Michael Shannon est excellent. Vraiment, dans ce film, les performances de malade. Allez-y, vous voulez pitcher en 3 secondes, on suit l'histoire d'une femme qui est galeriste, qui a une vie un petit peu triste, un petit peu desséchée, qui reçoit le manuscrit de son ex-mari, qui lui dit de façon un petit peu anodine, écoute, j'aime bien ton regard sur ce que j'écris en général, est-ce que tu pourrais lire ce nouveau roman que je viens d'écrire, cette épreuve, et me dire ce que t'en penses. Et en le lisant, elle découvre une histoire de fiction qui va faire écho à ce qu'elle a vécu avec lui, et il va en profiter pour régler un peu ses comptes. Exactement, c'est ça. Donc voilà, il y a une ambiance qui est particulière. Une ambiance pesante. D'un point de vue esthétique, le film, il est quand même vraiment très beau. Jack Gyllenhaal, vous dites comment ? Gyllenhaal ! Très bien, parfait comme ça. Nickel, faut dire comme ça à chaque fois. Oui. Ouais, on va dire Jack. Très bon aussi, avec sa petite coupe de hipster, un peu, la petite barbe. Petit bien cheveux, sûr. Voilà, ouais, mais il est cool. Et puis Michael Shannon qui joue un personnage toujours bien mortel. Lui. Et c'est vraiment un. Vous l'aviez vu dans Midnight Special ? Midnight Special dans Tech Shelter, il était exceptionnel. C'est vrai, très très bon acteur, c'est vrai. Vous voulez en dire encore un mot ? Bah non, moi j'ai trouvé ça très très beau. Moi j'ai trouvé ça très touchant, le parallèle entre l'histoire de fiction et ce qu'ils ont vécu eux. Bah voilà, moi je trouvais que ça c'était pas forcément nécessaire en fait. Je voyais pas trop. Bah en fait, c'est tout le fond de l'histoire. Oui, mais pourquoi pas juste faire un film sur justement la fiction là qui s'est passée ? Bah parce que c'est le parallèle est hyper touchant. Si on comprend ce qu'ils dénoncent. Cet homme qui a perdu sa femme et sa fille dans la fiction. Mm-hmm. Ce que ça dénonce par rapport à ce qu'ils ont vécu, je peux pas trop défleurer. Non. Mais avec leur personnel, ça fait vraiment écho et c'est très beau. Et la scène finale est magnifique. La scène finale est très belle. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est un film. Après, il est très oppressant. Moi, en particulier, bon, c'est au tout début du film, on peut un peu en parler. Mais au début du film, ils sont donc attaqués, lui, sa femme et sa fille, alors qu'ils sont en voiture au Texas. C'est vrai que très oppressant. C'est une scène très difficile. Il y a une tension qui est très bien réussie, du coup. Ouais, complètement. Moi, j'ai trouvé ça très bon comme film. J'avais adoré son premier film. Single Man. Ah, celui-là je l'ai pas vu par exemple. Je crois que c'est ça. Ok. Avec Colin Firth, c'était voilà. D'accord. En tout cas, bien. Moi voilà, c'est mon conseil beauté. Blogueuse mode. Richie Boos, blogueuse mode. Parfait, très bien. Moi j'ai été voir Ouvert la nuit. Vous voyez le de, film d'Edouard Baird. D'Edouard Baird. J'ai trouvé avec ça. Avec un bonosé. Il y a un mélange de bonobo et de chimpanzé, un croisement. C'est vraiment. Ouais, un bonosé. Ouais. Comment vous savez que c'est un bonosé? Parce que je m'intéresse aux animaux. Ah, c'est vrai, vous l'aviez dit, mais je ne savais pas que c'était un bonosé. D'accord, très bien. En tout cas, le singe qui joue très très bien déjà dans le film. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui joue le mieux. Oui, avec... oui. Non, le film, il est vraiment excellent. On a dit que c'était génial. On m'a dit que c'était très bien. Mais vous l'avez vu ? Non. Ah, je croyais que vous l'aviez vu justement. Non. Ben non, il est vraiment très très bien. C'est toute une. En fait, on suit un directeur de théâtre, donc Edouard Baird qui joue le directeur du théâtre de l'Étoile à Paris et qui doit trouver un singe. Donc, le directeur de l'Étoile Jaune. De l'Étoile. C'est pas très bien. Merci vraiment pour ça. Non. Si. Non, mais parfait. Directeur de l'Étoile Jaune, donc, qui est une sorte de sous-marque, en fait, voilà, qui font des pièces assez spécialisées dans un certain domaine. Et qui. Et du coup, qui doit trouver un singe pour que sa pièce, qui commence donc le lendemain, puisse se faire. D'accord. Donc, c'est tout un voyage dans Paris. Donc, il y a Edouard Baird qui joue, mais vraiment extrêmement bien. Il y a Sabrina Ouazani et également Audrey Tautou qui joue dedans. Et donc il y a plein d'images, des scènes magnifiques avec des plans séquences de fou aussi dans les rues de Paris. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé avec une lumière vraiment magnifique à chaque fois. Et d'un point de vue esthétique j'ai trouvé ça vraiment cool. D'accord. Et Edouard Baird est quand même vraiment très très bon dans ce film-là. Il est encore diffusé. Je comptais aller le voir. Je vais aller le voir très vite. Oui, il est encore diffusé. Bon oui, il est sorti mercredi dernier. Donc voilà. Bah très bien, écoutez, voilà. Ça me donne bien envie. Très bien, vous me donnez envie en général. C'est également mon conseil beauté pour les semaines à venir. Il en faut des conseils beauté. Maintenant, on fera ça dorénavant. Bien sûr. Des conseils beauté. J'ai un petit. Comment dire ? J'ai une petite surprise pour vous. Un cadeau, peut-être celui que vous ne m'avez pas offert à Noël. Alors, vous allez voir. Vous êtes prêts ? Oui. Bon, alors, je vais vous chercher le cadeau. Allez-y. Donc, voilà. Ah non, gardez votre pantalon, s'il vous plaît. Jean-Bierre, qu'est-ce que vous faites, Jean-Bierre ? Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est? Alors, oh non, une boîte en carton. C'est trop gentil. Une popper. Je sors une... trop bien. À chaque fois. C'est cool. Je sors une petite boîte pour mon ami. Alors, c'est la boîte, je l'explique pour rien, c'est la boîte de livraison. Avec le QR code et encore le truc Colissimo. C'est vrai, en plus. C'est même pas foulé oui, pour. C'est, enfin, bon, bref. C'est vrai, mais bon, mais j'aime pas. Mais c'est déjà, c'est déjà bien. Oh, allez-y. Je peux? Vous pouvez, oui. Alors, je viens de te donner la boîte. Alors, déjà, c'est très léger. Oui. C'est une boîte qui fait à peu près la taille d'une boîte à chaussures. C'est ça. Alors, je viens de l'offrir à Richie qui l'ouvre avec. Oh, avec... incroyable. Ce sont des casquettes fruits de la station. Vous avez vu? Alors, il y en a une orange, une bleue claire. Exactement. Vous avez vu le petit ananas sur le côté ou pas? Mais non, mais. Mais non, mais mettez sur l'autre. Attendez, côté. Attendez, je vous prends la orange. Très bien. Ah, oh, c'est incroyable. Vous avez vu ça? Elles sont ah ouais, belles. Elles sont hein. Très belles. Vous avez vu? Vous avez vu le petit ananas du coup sur le ah, côté? Ah, magnifique. Sont magnifiques, hein, ces casquettes. Ah ouais, alors ça me fait très plaisir. En plus, donc c'est plus ou moins un cadeau déguisé, parce que vous en avez une aussi. Oui, genre, oui. Alors faut le dire, il y en je a. Je veux pas une changer orange. La petite bête. Non, je vous remercie, Jean-Bien. C'est une très elles belle. Elles sont belles. Hein elles sont très belles, mais je pensais que vous en auriez fait 100 pour en offrir à tout le monde. Mais attendez, mais à chaque fois que maintenant on nous laissera un commentaire audio, je vous laisserai offrir votre casquette. Alors là, vous engagez. Que les auditeurs feront tourner entre eux, parce qu'on. Merci beaucoup. Voilà. Elles sont très belles. Elles seront. On vous mettra une petite photo là. Oui, oui, et ben voilà, justement, on mettra une petite photo. Et j'ai un deuxième présent pour vous, Richie. Oh là là, c'est trop. Et c'est plus Noël. C'est no... Oui, je sais, mais vu que vous en aviez pas eu pour Noël, ouais, parce que vrai. Justement, ça devait arriver, et puis c'est arrivé en retard ce cadeau. Pas les casquettes, hein. Les casquettes, c'est autre chose. Mais un autre. Qu'est-ce que vous faites avec cette casquette? Je suis en train d'arracher une porte. Oui, arrêtez, c'est un élément essentiel de la casquette, ça. Je sais pas, non. Vous savez, les skateurs américains, ils ont souvent un petit sticker dégueulasse sur leur visière de casquette. Moi, plus vous, en tout cas. Vous l'avez enlevé. Alors. Elle vous va très bien, en tout cas. Vous êtes magnifique avec cette casquette. C'est quoi l'autre cadeau, là? Alors, l'autre cadeau. Faites péter. Ah, mais vous êtes impatient, c'est assez. Bah, je suis impatient, j'ai toujours été un petit peu comme ça. C'est les gens un petit peu sentimentaux. C'est normal. Bon, alors, ah, mais c'est encore super mal emballé. Ouais, mais non, arrêtez. C'est horrible. J'ai fait c'est ça dans le PQ. Mais non, c'est une carte. Alors. Des cartes. C'est une. Le philosophe. J'ai fait une carte. Donc je pense oui, que non, mais ça, vous vous en fichez, la carte. C'est pas très grave. Ah, oh là là là là là là. Alors ça. C'est ça que je voulais vous offrir, mon petit Richie. Un exorciste raconte de Don Gabriel Amorth. Exactement. C'est donc évidemment le livre que voilà. L'exorciste du Vatican qui est mort récemment, dont j'ai parlé à la première, prix, c'est ça première émission et pour la modique somme. Et donc dont j'ai parlé et j'avais parlé de ce livre et j'avais dit que j'avais pas eu l'occasion de le lire. Voilà. Alors merci beaucoup. Et du coup, moi je vous l'offre parce que je suis c'est quelqu'un super exceptionnel. Dédicacé en plus. Alors oui, ce livre est dédicacé. Par contre, le problème c'est que ce livre est dédicacé en italien. Oui. Comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si vous avez des bases italiennes, si, mais en tout cas, j'en ai fait pendant 3 ans. C'est vrai, bah, j'ai la traduction. Est-ce que vous voulez que je vous lise la traduction? Non, non, ça ira. Je vais dire. Si, si. Je vais y aller directement. Sin cercando di distorte un qualche modo per il piacere del Diego senza dubbio, come mi ho fatto domanda per romere il vostro banane cave. Seguendo la pozione. Je vais vous lire la petite traduction pour nos auditeurs. Dopo alcuni minuti. Attendez. Quoi? Je vous lis la petite traduction. Vous voulez pas? Vous voulez pas? Si, allez-y, traduisez-moi cette dédicace. C'était pour mes petits, les petits auditeurs de Fruits de la Station qui ne parlent pas italien aussi bien que vous. Alors, ça commence. Et ils sont nombreux. Donc, petite dédicace de Gabriel Amorth. Cher Richie, telle la lumière dans la nuit, tel le pinceau qui guide le maître, telle la boîte de préservatifs inutilisée à la fistinière vers 4h du matin, vous êtes pour moi un être merveilleux. Indispensable et qui m'aura fait rêver jusqu'à mon dernier soupir. Je me souviendrai toujours de notre rencontre, de cette belle nuit d'été à Venise, de cette ruelle sombre dans laquelle nous nous sommes rencontrés et de cette odeur de sperme séché qui s'échappait des bouches d'égout. Apparemment, c'est les circonstances. Vous avez souvent été à Venise. Bah, c'est Gabriel qui raconte ça. Désolé. Vous, avec votre compagne du moment, une personne d'une vulgarité épouvantable dont je me suis vite débarrassé. Moi, le chapelet à la main, réalisant que je vous attendais depuis mon premier c'est jour. C'est comme ça qu'il appelait. Le chapelet. Ce petit chapelet qu'il avait toujours à la main. Je me souviens encore chapelet avoir plaqué... Chapelet de deux boules. Pardon? J'avais rien. Ouais, ok, d'accord. Je me souviens encore avoir plaqué ma main contre votre petite bouche baveuse et suintante afin de vous faire comprendre le désir charnel que j'éprouvais à ce moment. C'est vrai, je m'en souviens. Vous vous débattiez tant bien que mal, pour le plaisir du jeu sans aucun doute, tandis que je m'appliquais à défaire votre banane kawé qui serrait votre douce bedaine que vous devez toujours avoir aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Après plusieurs minutes d'amusement, j'ai enfin pu user de mon crucifix à main de reprise pour vous déflorer le côlon pendant que vous vous étiez calmement... Ouais, c'est... C'est d'une grossièreté sans, pas du tout. Sans nom. On déferait le colon pendant que vous étiez calmement endormi dans une flaque mélangeant excréments et hémoglobine. Ne voulant pas vous déranger plus longtemps et après avoir fini de vous besogner avec soin, je me suis retiré afin de continuer à errer dans cette atmosphère si propice aux rencontres d'un soir. Cependant, Richie, ce moment restera gravé à jamais dans ma mémoire et est maintenant indissociable de ma première expérience en tant que moniteur de classe verte de l'école primaire au Cossifric. Gabriel Amorce, pourfendeur d'Anus Vierge. Oh, bravo, merci Gabi. Bien, merci. Putain. On l'embrasse bien fort. Et comme un peu tous les souvenirs difficiles, je l'avais enfoui au fin fond de ma mémoire. Exactement. Et oui, j'en exactement. Souviens maintenant. Tout revient, l'odeur, quelques sons aussi. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas que vous aviez eu cette histoire-là ensemble. Je pense que vous aviez dû aussi, vous, un petit peu, l'oublier, la mettre ça de côté. Ça me fait très plaisir. En plus, vous avez dû... Pardon ? Vous avez dû aller retrouver un mort pour lui. C'est ça. Bah, en fait, c'est sa famille qui m'a contacté il y a peu après avoir entendu le premier épisode et qui m'a fait parvenir ce petit message. Donc voilà, j'espère qu'il vous fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Pour se remettre de toutes ces émotions, je vous propose, mon cher Richie, qu'on s'écoute un petit brin de musique. Mais oui, comme on aime. Très bien. À bisous, tout de suite. Bisous. Bisous, les petits loups. Vous me prenez au dépourvu complètement. Début d'émission en public. Oui. Ça serait bien ça. On fera un live un jour, comme tous les gens qui font un podcast, on promet de faire un live qui n'existera sans doute jamais, mais on le fera. Oui. Bah non. Non, ça ne se fera pas. Bah si. Si, vous pensez ? Oui. Peut-être avec Pasqualino et votre vieille grand-mère. Vieille charrue. Oh, ouais. Mais... francophonie entre Claudio Capeo et, et Vianney. Belle affiche. Très très belle. Belle affleck. Alors, où on va ? Eh ben écoutez, si ça vous dit ou pas, est-ce que vous êtes chaud ? Vous êtes chaud bouillant ? Vous êtes chaud patate sur une échelle de 0 ? Moi, je suis chaud tout le temps. Sur une échelle de 0 de à chaud patate. Je suis chaud. Très bien. Donc, vous êtes de 0 à chaud patate, je suis chaud. Chaud. De chaud patate à chaud, je suis mi-chaud. D'accord. Et donc ça va. D'accord. Claude Michaud, qui n'existe pas. Personnage fictif complètement. On l'aime, on l'embrasse. Mais oui, toujours. Est-ce que vous êtes prêt pour une chronique, mon petit Richie ? Bien sûr que je suis prêt. Toujours prêt. Vous avez envie de nous parler de quoi ? J'ai parlé de plusieurs choses dans le sommaire, mais voilà, après, vous parlez de ce que vous voulez, n'hésitez pas. J'ai une chronique géographique, une nouveauté. Oh, la vache. Qui prend la place du Maxi Pitch, qu'il n'y aura pas. Oh, vous entendez les gens qui font. Oh. J'entends un petit peu de protestation dans le public. Bouh, enculé, Richie. Ouais, mais bon, des fois, mettre un petit peu d'envie, un petit peu d'attente, ça peut être encore meilleur quand on revient. Surtout une émission où on aura peut-être un invité, entre grosses guillemets, la semaine prochaine, parce qu'on attend un petit peu son retour. Hein, on en profite pour lui faire un petit appel du pied. Faudrait déjà qu'il écoute l'émission, ce gros bâtard. Ah oui, on a eu la particularité de vouloir inviter quelqu'un qui n'écoute pas notre émission. Qui ne nous connaît pas, oui. Oui, c'est ça. Parce que les autres ont décliné, donc forcément. Alors, la chronique géographique. Oui, allez-y, Je vais demander un petit bruit de mer. On pourra recycler le bruit de mer utilisé pour l'émission 2. Très beau bruit de mer. Et je vais vous poser une petite question, mon petit Jean-Bierre. Pasqualino, bruit de mer. Ah, on y est, là. Voilà, là, c'est le paradis. Si je vous dis Tromelin, qu'est-ce que vous me dites ? Je dirais Seigneur des Anneaux. Ça ne vous dit rien ? Non. Si je vous dis Tromelin, l'île de Tromelin, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Eh bien, je vous emmène en voyage. Oh là là ! Je vais crocher vos ceintures. Non, banane, tout ça. Non. Je vais vous parler un petit peu. Alors, oui. C'est une île. Il s'agit d'une minuscule petite île d'un kilomètre carré. Minuscule. C'est en gros C'est un peu comme Groix ? Non, c'est beaucoup plus petit. C'est comme Belle-Île. Ah non, c'est beaucoup plus petit. Ah d'accord. Un kilomètre carré, c'est minuscule. L'île aux moines. C'est beaucoup plus petit. Non mais d'accord. Beaucoup plus petit, vraiment. D'accord. C'est, vous voyez, une sorte de terrain de foot. Ouais. C'est un peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand. Quoi. D'accord. Deux terrains de foot. J'aime vraiment bien les précisions. Si vous voulez de la précision, je vais vous en donner. Elle est située D'accord. où cette île ? Elle est située à 450 km à l'est de Madagascar. Oh, alors ouest, à l'est, vous avez dit ? À l'est. Au nord de Madagascar ou au sud de Madagascar ? À l'est de Madagascar et à 535 km au nord de l'île de la Réunion. Donc ça vous D'accord, donne un petit c'est peu. Dans le nord de Madagascar. Voilà, ça vous donne un petit peu avec ces deux indications de quoi repérer sur votre carte. Madagascar. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous parle un peu de ça aussi. Parce que cette histoire, je pense, va vous intéresser, mon cher Jean-Bert, va aussi intéresser nos auditeurs qui nous écoutent, comme toujours. Nombreux, je le sais. De plus en plus. Donc, c'est un petit îlot très hostile. D'accord. Vraiment hostile, puisqu'il est recouvert de sable et de cailloux. Il n'y a absolument rien. Il y a très peu de végétation. Il y a seulement quelques petites plantes qui ne vont pas dépasser quelques dizaines de centimètres. Ok. Et il est très difficile d'y accoster, puisqu'il y a des récifs très dangereux qui entourent l'île. D'accord. Donc, autant dire, aucun intérêt de se retrouver sur cette île. Et donc, vous allez me demander, avec votre esprit narquois et aiguisé... Pas du tout. Pourquoi je vous parle de cette île, puisque... Pourquoi vous me parlez de cette île ? Puisqu'il est impossible d'y accoster, qu'elle n'a aucun intérêt. Exactement. Eh bien, je vais vous le dire. Allez-y. Je vais vous raconter l'histoire de cette île. Allez-y. Au XVIIIe siècle, en France, parti de Bayonne, pays du jambon, vient Goutier. Quel accent. Vient Goutier. C'est formidable. Yves Montand. Le 17 novembre 1660 est parti un bateau nommé l'Utile, un bateau de la Compagnie française des Indes qui allait commercer. Nommé l'Utile ? Il s'appelait l'Utile, ouais. Ok. Et il se rend pour commercer sur l'île Maurice. D'accord. Que vous connaissez peut-être aussi. Maurice. L'île Maurice. Papon. MP. Maurice Papon. L'île Maurice Papon. Très bien. Repartez sur l'accent que vous venez de faire là. Maurice. Maurice. C'est après le théâtre de l'étoile jaune. Et c'est la deuxième blague qui va nous mener au sommet de la gloire et du buzz. Normalement, ouais, ça va bien buzzer. Évidemment. Alors, il faut imaginer les conditions évidemment très dures de voyage déjà à cette époque. Complètement. Car même si les outils d'orientation étaient déjà bien développés. Même sur un bateau qui s'appelle l'Utile, l'agréable n'est pas toujours là. Oui, très savoureux. Drop the joke. Il y a encore donc des accidents assez fréquents. Mais malgré cela, c'est sans encombre qu'ils arrivent tout de même 147 jours plus tard à destination et ils accostent sur l'île Maurice. D'accord. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur cette île, c'est-à-dire principalement du commerce. Mm-hmm. Ils font du commerce sur cette île ? Tout à fait. Je crois qu'il n'y avait rien du coup. Non, non, sur l'île Maurice, je vous ai dit. D'abord sur l'île Maurice. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème, je comprends que vous soyez un petit peu perdu. Ce n'est pas une histoire facile, chacun a son rythme. Merci. Le capitaine du bateau, du navire, que j'embrasse, oui. Jean de la Fargue, décide d'aller à Madagascar chercher des esclaves. Jean de la Fargue ? Oui, Jean de la Fargue. Ok, rien à voir avec l'entreprise La Fargue. Je ne connais pas. Ok, très bien. Non, mais je pense pas. Mais je ne pense pas non plus, parce que ça s'écrit pas pareil. Et donc, il va aller à Madagascar chercher des esclaves pour les vendre à son compte, pas normal. Au compte de la France. Il veut faire ça un petit peu en loose day. Ah. Il veut les vendre sur une île voisine. Donc, il va à Madagascar et il charge 160 esclaves, d'accord. Hommes, femmes et enfants. Malheureusement pour lui, le gouverneur de l'île Maurice refuse la traite des esclaves. Ah, bah, il a aboli ça. Un précurseur. Et tout à fait, le capitaine, donc Jean de la Fargue, décide de détourner la zone placée sous la juridiction du gouverneur de l'île Maurice pour réussir à les vendre un peu plus loin. D'accord, ok. Et c'est à ce moment-là, en fait, que bien mal lui en a pris, puisque l'Utile s'échoue dans la nuit du 31 juillet 1761 sur cette île de sable en s'éventrant littéralement sur les récifs qui l'abordent et donc sur l'île Tromelin. Et donc, il y a tous les esclaves qui sont sur cette île-là ? Alors... L'histoire continue, mon cher. C'est là que ça commence. Forcément, donc c'est l'hécatombe. La plupart des passagers meurent noyés pour cause. Beaucoup d'esclaves étaient attachés dans la cale. Et sur les 160, à peu près 75 esclaves et 18 hommes d'équipage meurent sur le coup. C'est la boulette, j'ai envie de dire. Malgré cela, à peu près, les survivants comptent 60 malgaches sur les 160. Ça va. Et le reste de l'équipage arrive à atteindre l'île sain et sauf. D'accord. Donc, ils sont encore à peu près 120 hommes d'équipage. C'est extrêmement. Peu le Lost d'avant, quoi. Exactement. C'est ça. Ils sont sur cette île, ils sont encore très nombreux. Très vite, la nature humaine revient au galop. Ils décident de s'organiser et ils construisent deux campements. D'accord. Sommaires, séparant les esclaves. D'accord, et les hommes séparant d'équipage. Les parents de qui ? Les parents à Jean Lafargue. D'accord, très bien. Pardon, autant pour moi. Et donc, le but d'urgence de ces hommes est d'abord de survivre. Mmh. Évidemment, sur une île où il n'y a absolument rien, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. D'accord. Il y a quelques tortues verte qui traîne, quelques oiseaux qui se posent parfois. D'accord. Mais rien de plus, vraiment. Pas de plantes, pas d'arbres, etc. Des tortues, ok. Il commence à créer un puits pour récupérer l'eau de pluie. Ouais. Et ils commencent à faire une forge, etc. Mais leur but, évidemment, profond, est de quitter cette île, réussir à la quitter. Normal. Et c'est là où un petit peu toute l'histoire va commencer à prendre corps et à prendre forme. D'accord. Car c'est 2 mois plus tard, avec les restes de l'épave qui ont été charriés par la mer, qu'un radeau est construit. Okay. Alors, il faut imaginer un radeau assez immense, puisque l'embarcation arrive à accueillir la centaine d'hommes d'équipage qui restaient sur l'île. Ah, quand même. Pour quitter l'île. Malheureusement. Ils ont construit ça ? Ils l'ont construit, oui. Avec ce qu'ils ont trouvé sur l'île ? Avec ce qu'ils ont trouvé sur l'île et les restes de et l'épave. Les restes de l'ancien principalement, navire. Principalement, oui. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Malheureusement, vous l'imaginez, la nature humaine étant toujours aussi savoureuse, bah oui. Il n'y avait plus assez de place pour embarquer les esclaves. Ah, la boulette. Pendant ce temps, le capitaine Lafargue donc, est sur ce radeau, mais il a complètement perdu la raison. Les 2 mois sur cette île, le fait qu'il... Il a vrillé totalement. Il a totalement vrillé le fait qu'il ait perdu son bateau, qu'il ait aussi rompu une loi... d'État contre le commerce d'esclaves, il se sent pas bien du tout, il a perdu la tête. C'était un patriote un peu dans l'âme. C'était plus ou moins un patriote, mais malgré tout, il pensait plutôt à l'aspect mercantile de la chose plutôt qu'à l'aspect patriotique. Et oui, donc, c'est son second, un certain Castellan, qui va donc partir prendre la tête du radeau et va promettre aux esclaves restés sur l'île qu'il reviendra les chercher. Il leur fait la promesse. Bah oui, mais on sait ce que ça vaut. Hein. Malheureusement. Ah. Et oui, en partie à cause de la loi qui interdisait donc la traite d'esclaves qu'il avait bafouée. Ouais. Lorsqu'ils arrivent à rejoindre Madagascar puis l'île Maurice, mm-hmm. le gouverneur leur interdit de retourner chercher Allez, les esclaves. Bim. Il leur interdit, il refuse d'envoyer une flotte pour aller récupérer ses... Ah, mais du coup, il a quand même fait la demande. Il a quand même fait la demande. Je pense que c'était, on va continuer à le voir, mais une promesse honnête. D'accord, qu'il très a fait. Bien. Très mais bien, donc, très le bien. Gouverneur refuse d'envoyer une flotte pour les aider. Ok. Ce n'est pas malheureusement pas le premier refus que Castellan va essuyer, parce que quelques mois plus tard, il décide de retourner en métropole. D'accord. Il n'a plus rien à faire ici. Ouais. Et c'est comme ça que ces naufragés furent peu à peu oubliés. On les a laissés évidemment pour morts. 10 ans plus tard, un bateau passe à proximité de l'île et aperçoit un signal de fumée. Je dis bien 10 ans plus tard. Sur une île de 1 km². Voilà. Débrouillard les malgaches quand même. Il essaye d'accoster. Ouais. Mais comme j'ai dit, les difficultés d'accostage sont tellement immenses que le bateau doit renoncer à s'approcher de l'île et doit continuer sa route et ne peut pas aller les sauver. D'accord. Quelques années plus tard encore, d'accord. une histoire terrible, un autre bateau s'en rapproche. C'est affreux quoi. Mais... C'est assez terrible. Enfin, je veux dire, comment c'est déjà le film avec Wilson là ? Seul au monde. Seul au monde, mais c'est pire que ça quoi. Ah oui, c'est bien pire. C'est pire. Et donc un peu plus tard, un bateau arrive à nouveau. Ouais. À ce moment-là, un homme décide de prendre son courage à deux mains. Ouais. De prendre une petite chaloupe légère, de quitter le bateau et d'aller la rejoindre sur cette embarcation plus facile à manœuvrer pour aller rejoindre l'île. Il y arrive, seulement le bateau l'abandonne, n'arrive pas à se rapprocher et il reste naufragé avec eux. Est-ce que la moralité de cette histoire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un entreprend quelque chose de bien, en fait, il se fait baiser forcément. C'est ça. C'est ça ne faites rien. Ne faites rien de bien et de courageux. Hein, parce que vraiment, restez tranquille au chaud. Voilà. C'est bon, vous suivez le mouvement, vous faites comme tout le monde. Si vous voyez un signal de fumée, surtout, vous restez dans vos chaussons. Vous détournez les yeux surtout. N'allez pas prendre une barque, c'est complètement con. Alors donc ce nouveau naufragé qui vient de les rejoindre en essayant de les sauver essaye de quitter l'île avec à nouveau un radeau avec 3 malgaches. Malheureusement, il disparaît sans mer. À nouveau. Oh, Et l'histoire arrive un petit peu à son dénouement. Ce n'est que le 29 novembre 1776, donc si vous avez suivi, que le chevalier de Tromelin, qui donna son nom à l'île justement, qui commandait un petit navire de guerre appelé la Dauphine, se rend sur l'île. Ouais. Mais 15 ans se sont écoulés. Que peut-on espérer y trouver ? Lui, il vient sur l'île non pas parce qu'il a vu un signal, mais parce que la promesse a perduré. Et que cette idée d'abandon et de trafic d'esclaves illégal a fait un peu parler en métropole à cette époque. Il y a un minimum de bon fond quand même là-dedans. Et oui, bien sûr. Et ils essayent d'y aller, mais que peut-on donc espérer 15 ans plus tard ? Et ils trouvent sur l'île 8 esclaves survivants. 7 femmes et un enfant de 8 mois. Alors, 8 esclaves ? 8 esclaves, pardon ? 7 femmes et un enfant. Sur la centaine restée de base. Voilà. On est clairement sur des vacances qui tournent mal, quoi. Oui, on est clairement sur un voyage au Club Med qui dérape, complètement. On est probablement là. Un poisson faisandé au buffet de l'hôtel. Gastro-frénétique. Voilà. Donc, en arrivant sur place, le chevalier de Tromelin découvre que les survivants sont vêtus d'habits en plumes tressées qu'ils ont fait avec les oiseaux qu'ils ont trouvés, qu'ils ont réussi à maintenir un feu allumé, ce qui est incroyable, puisque pas un seul arbre, comme je le rappelle, ne pousse sur l'île. Ouais. L'enfant est nommé Jacques Moïse, la mère est nommée Ève et la grand-mère est nommée Dauphine, comme le bateau du chevalier Tromelin. Jacques Moïse. Oui, Jacques Moïse. Déjà, les prénoms composés, c'est difficile. Comme s'il n'avait pas assez souffert. Comme s'il n'avait pas assez souffert. On va l'appeler Jacques Moïse. D'accord, très bien. Alors, la question, pourquoi j'en parle aujourd'hui de cette île ? Alors oui. Ça peut paraître complètement non. Oui. Et autant bizarre que cela puisse paraître, il y a une raison d'actualité. Puisque cette île donc, est réapparue... Elle a été rachetée par Donald Trump. Bah, et attendez, parce que, car depuis plusieurs années, cette île est revendiquée par l'île Maurice. Ouais. D'un point de vue géographique, ce qui paraît tout à fait logique. Mais qui appartient toujours à la France. Ok. Puisque malgré cette histoire peu glorieuse, ouais. Elle appartient à la France, puisqu'elle a été découverte par la France, etc. Malgré qu'on ait abandonné des esclaves. Oui, mais ça, c'est pas très grave, on a fait bien pire. Et elle permet à la France, évidemment, d'élargir ses zones de contrôle, car on peut se dire à quoi ça lui sert d'avoir cette île complètement pourrie au milieu de rien. Oui. Car on a ce qu'on appelle les ZEE, qui sont des zones économiques exclusives qui entourent l'île. Oui, c'est vrai ça. Et seulement avec l'île Tromelin, la France élargit son empire maritime de 280 000 km². Oh, c'est fou. 200 km carrés. Oui. Voilà. De pêche, etc. Avec cette île d'un kilomètre carré, l'île Tromelin, avec la Réunion qui n'est pas loin, ça agrandit énormément l'empire. Donc ça peut être très intéressant pour la pêche, etc. Bah, le forage. Clairement. Oui, donc une morale un peu bizarre. Et en ce moment, encore il y a quelques jours, des députés à l'Assemblée refusaient que la France perde sa souveraineté. D'autres considéraient qu'il était illégitime que la France garde ce bout de terrain, etc. Donc c'est encore une île qui fait parler actuellement. Alors. Enfin, c'est pas pour prendre part, etc., dans le débat, mais si cette île-là n'appartient plus à la France, du coup, elle appartient à la France pour l'instant. Oui, mais elle si ce n'était plus le cas, des personnes qui disent que ça ne devrait plus être le cas, etc., mais du coup, elle. À l'île Maurice, la revendique. Du coup, ce serait l'île Maurice qui la revendiquerait. D'accord. Tout à fait. Et donc, je vais aller un petit peu... Pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette histoire, il y a une bande dessinée. C'est très intéressant. Ah, il y a une bande dessinée de Sylvain Savoyac. Richie Booz, fin connaisseur de bande dessinée. Tout à fait, qui s'appelle « Les esclaves oubliés de Tromelin ». D'accord. Qui est paru chez Dupuis dans la collection Air Libre en 2015. Dans la collection Air Libre, chez Dupuis. D'accord. En 2015. Et je l'avais lu à cette époque, j'avais découvert cette histoire. Ok. Et quand j'ai vu dans les journaux réapparaître... Cette histoire, ça m'a rappelé tout ça et j'ai trouvé ça complètement incroyable qu'on en reparle à nouveau. C'est fou ça. Et donc c'est une BD très intéressante donc, car elle met en parallèle l'histoire que j'ai racontée qui se déroule au XVIIIe siècle. D'accord. Avec des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 2008 sur l'île. Et on comprend comment ils ont survécu, etc. Et c'est une BD assez, assez massive qui met en parallèle donc, ces deux histoires. Oui, parce que clairement, comment ils ont survécu, il y a dû certainement avoir un peu de meurtre, un peu de cannibalisme, un peu de viol. Alors là, ce sera la bande dessinée qui répondra à ça et d'accord. C'est très intéressant. Belle promo, hein. Voilà, donc ouais. Écoutez, j'ai pas de part chez Dupuis, mais voilà, donc une histoire incroyable. Mais quand même, pour dans l'actualité et une très belle BD. Que dire ? Ok, franchement, bravo. Moi, je vous applaudis. Chronique géographique, le public est. Ah, qu'est-ce que je bafouille quand je bois du Chablis ? C'est vrai, ça. Chablis tout seul avec maman dans un très vieil appartement. Excellent, Richie. Enfin, voilà la petite chronique géographique. D'accord, franchement, très très bien. C'est très, vrai, très ça vous a plu ? Non, vraiment, c'est bien. Déjà, c'est bien parce que c'est une nouvelle chronique. Ouais. C'est bien parce que ça parle d'un endroit aussi que je. Enfin, pas que je connais, mais à proximité d'un endroit que je connais. Et puis en plus, c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois le côté historique de la chose et le côté actuel qui revient. Mais bien plus, sûr. Une BD par-dessus ça, vous êtes vraiment, bah là, vous nous envoyez du rêve, bah voilà, c'est des pépites pour les si oreilles, c'est des étoiles peu. Dans la bouche, c'est, voilà, on est sur l'ascenseur du génie, sur l'escalator. N'allez pas trop, parce qu'après, quand on me flatte trop, je me repose sur mes lauriers, c'est vrai. Après je travaille plus. D'accord, très bien. Bon alors, c'était passablement à chier comme chronique, on s'est emmerdé à mort. Non, très bien, en tout cas, bravo, belle chronique. Je vous remercie. Et j'aime beaucoup ça, c'est à refaire, moi j'ai envie de dire à refaire, ah je sais pas ce que le public en pense. Pasqualino commence lui aussi à demander. Pasqualino est au cacolac depuis 16h cet après-midi. Pasqualino est au cacolac parce que le béton est au maçon, on peut le dire. Très belle. Mais quand même, je vous propose de faire le classique personnage du jour. Ah. Parce que j'adore, moi, cette petite chronique qui permet de faire découvrir des choses aux enfants comme en grand, en comme famille. En grand et pour les amis. De 7 à 77 ans. C'était quoi déjà ? Les jeux MB, là ? Les jeux MB, entre ouais, autres. Les jeux Ravensburger. Les jeux Ravensburger, c'est ça que je cherchais. Très bien. Alors, vous êtes prêts ou quoi ? Parce qu'à chaque fois, je vous fais jouer un petit peu. Arrêtez de me demander si je suis prêt. Je suis prêt mais tout non, mais... le temps. Ok, d'accord. Je suis toujours au taquet. Allez-y. Starting block on fire, comme disent les jeunes. Alors là, ça sera pas la personne du jour, ça sera les personnes du jour. Mais si vous en trouvez une, vous les trouverez l'autre. Non, c'est les S5. Non, mais vous venez de flinguer la chronique. Bon, bah, pause musicale, on passe à autre chose. J'ai fouillé dans vos fichiers. Les S5 reviennent parce qu'elles vont être rachetées par la Suisse. La France refuse que. Allez, mon cher. Très bien, parfait. Alors, vous laissez de deviner ? Ah bah oui, oui. Deux personnes qui exercent la même profession. Allez-y, on fouille. En fait, le but, c'est des personnes qui exercent une profession et qui ont testé quelque chose d'un peu bizarre. Très bien, des personnes qui existent. Oui, oui, c'est deux personnes réelles. Qui sont vivantes ? Non, qui sont décédées. Qui sont décédées il y a plus de 100 ans ? Non, il y a moins de 100 ans. Qui sont décédées il y a moins de 50 ans ? Oh là là, vous calculez mental. Qui sont décédées dans les années 50 ? Qui sont décédées... Non, non, elles sont décédées plus tard que ça, pardon. Oh là là, désolé. Elles ont dû être décédées dans les années, je sais pas, moi je dirais, allez, 90, d'accord. 84. C'était ouais. Des jumeaux ? Non. Ils étaient de la même famille ? Non. Ils n'ont pas le même nom de famille. Ils ont inventé quelque chose ? Non, ils ont testé quelque chose. Ils ont testé quelque chose sur eux ? Non. Sur des autres personnes ? Sur un animal. Sur des animaux ? Sur un animal en particulier, mais je pense que... Sur des végétales ? Des minérales ? C'est ça. Non, ils ont dû tester ça sur un type de bestiole, mais vu leur méthodologie, c'est ça qui est intéressant, je pense qu'ils en ont utilisé plusieurs. C'est des biologistes ? Oui, c'est deux scientifiques en fait. Et est-ce que ce qu'ils ont testé, ça a mené à une découverte ? Oui, une découverte. Découverte un peu pourrie. Complètement chier. Par rapport aux dégâts que ça a fait, les tests, c'est ça ? Ah, ça a pas. Enfin, oui, si, il y a eu quand même du dégât, ouais. Est-ce qu'ils ont testé sur des chiens ? Non. Est-ce qu'ils ont testé sur des chats ? Non. Est-ce qu'ils ont testé sur des lapins ? Non. Est-ce qu'ils ont testé sur des brebis ? Non. Est-ce qu'ils ont testé sur des taupes ? Non. Est-ce qu'ils ont testé sur. Sur des loutres, non. La loutre tressesse. La loutre tressesse. Trois fois. Pardon. Non, ils ont testé sur des dindons. Pardon. Ils ont testé sur des dindons. C'est vrai ? Oui. Ah oui, ils ont essayé de leur pour leur enlever la peau du cou. Non, pas du tout. Si. Non. Ah si. Ça c'était sur Guy Carlier, je crois. Et sur Balladur, évidemment. Ah non, alors ils ont essayé sur des dindons de leur faire parler l'allemand. Non. Quoi ? Dans l'expérience. Voilà, il y a un Becherel allemand. Ça peut avec arriver. Son pseudo-belge. Non, c'était pas ça. Ah, ce serait un belge qui ferait l'expérience ? Non, pas du tout. C'est deux mecs de l'université de Pennsylvanie. Mais c'est oui. Deux gars qui ont un gros level, hein. Franchement, ah ouais. Vu l'expérience. Et les dindons, ils ont voulu. Combien de dindons ils ont testé ? Ils ont un par un ? Non, mais il y a eu vraiment du décès, mais en quantité. Enfin, et ça vole pas les dindons ? Est-ce que c'est un rapport avec le vol du dindon ? Non, ça n'a pas de rapport avec le vol du dindon. Ils ont voulu voir s'ils pouvaient survivre à la cuisson pendant Thanksgiving. Non, ça aurait été vraiment horrible. Non, est-ce que vous voulez que je vous donne allez-y, hein. Postulat de base de l'expérience. Ouais. Le postulat de base en fait de l'expérience, enfin en tout cas, ils se sont dit un dindon, c'est vraiment pas dur pour qu'il s'accouple. En gros, même dans les pires conditions, un dindon, ça peut s'accoupler. Genre comme vous en rêve parti quoi. Oui, mais c'était pas le sujet de la chronique. Non, ça a dû être voilà. Ça mon truc malaisant de l'anecdote, voilà, elle est dite maintenant. J'aimerais bien s'accoupler avec un dindon en rêve party en écoutant du 16 remixé dans la rêve party, voilà, du 16 en Arctic. J'ai pris du paracétamol, ok. Laissez-moi tranquille. J'ai pris 3 smecta. J'étais mal. J'ai 3 briques. Non, ils se sont dit les dindons, c'est pas difficile pour qu'ils s'accouplent. Du coup, à partir de ce postulat-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont tenté ces deux scientifiques ? À partir de ce postulat-là, je pense qu'ils ont essayé de voir s'ils pouvaient extraire ce qui faisait que dans le cerveau des dindons, ils pouvaient s'accoupler partout pour le transmettre aux hommes. Et vous êtes mille fois pire que ces deux personnes. C'est vrai que les hommes ont vachement de difficultés pour se reproduire. Bah vous non, vu ce que j'ai raconté. Le paracétamol, je vous dis. En gros, ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils voulaient connaître, le but de l'expérience c'est ça, et ça c'est vraiment le vrai but, connaître le minimum nécessaire à l'excitation sexuelle d'un dindon. À partir de là, si vous arrivez à deviner la méthodologie qu'ils ont employée, c'est déjà pas mal. Je vous en ai dit une bonne partie, je vous ai dit la moitié en gros. Maintenant ce qui reste à deviner c'est la méthodologie. Comment ils ont fait pour connaître le minimum nécessaire. En fait, j'imagine qu'ils ont mis deux dindons, un dindon mâle, un dindon femelle. Ouais. Un dindon, une dindonne dans une pièce. Dindon, et qu'ils ont essayé de les déconcentrer, de les troubler et voir s'ils finissaient par copuler quand même. D'accord, ouais. Donc, c'est-à-dire, ils ont mis de la musique, ensuite, ils ont mis des photos de dindons qui étaient exécutés. Qu'un dindon, c'est vraiment très dur avant de le dégoûter de s'accoupler. Hein. C'est vraiment, il en faut plus que de la musique. La tête à l'envers, genre dans l'eau. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un dindon, une dindonne, comme vous dites. Et sauf qu'à la dindonne, ils lui ont retiré des parties de son corps petit à petit. Les ailes, ouais, mais ils genre ils se sont placés d'un point de vue physique en imaginant ouais, complètement. Que... En fait, ils ont présenté un dindon, une dindonne. Oh. Après, ils ont mis la dindonne, ils ont coupé la queue. Oh. Le dindon mâle s'est accouplé. Ils ont repris la dindonne, ils ont coupé les ailes, puis les pattes, puis etc. Donc voilà, à chaque fois, en fait, ils ont retiré une partie... et pour une partie de la femelle en fait pour voir si le dindon était excité quoi. Donc quand même les mecs ont quand même du temps à perdre, je pense qu'on peut le dire. Et la dernière étape, c'est de la en torture fait, en plus. Mais en fait en plus oui, c'est surtout la conclusion une fois horrible. Imaginons la conclusion arrive. Bah, attendez, bon, bah, la conclusion, à partir de une fois qu'on lui a enlevé une aile et demie, ça y est, il est plus excité le dindon. Non non, la conclusion c'est qu'en fait la dernière étape vu qu'ils ont déjà tout coupé. Restait quoi. Que le vagin de la dindonne. Non, ils ont mis en fait la tête de la dindonne sur un bâton. Et le dindon a quand même tourné autour et essayé de s'accoupler avec. Quoi. Donc c'est chaud de la bite, un dindon. Quoi. Alors il y a un tueur en série qui disait ça, y a... Alors, son nom m'échappe totalement aujourd'hui, qui disait que lorsqu'il voyait une femme ouais. dans la rue marcher, la seule chose qui l'excitait, c'était d'imaginer sa tête plantée au bout d'un pic. Ah mais ouais, bah, je pense que c'était un de ces deux mecs-là. En mais fait, je sais plus son nom. Bah, donc en fait, ces deux scientifiques-là, il y en a un qui s'appelle Martin Schein et l'autre Edgar Hale. Donc voilà, et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vu ça, donc sur le dindon il y avait juste la tête sur un bâton et même ça excitait le dindon, donc en fait le dindon... Je pense que ça excitait surtout les deux tarés qui étaient en train de faire l'expérience. En fait ces deux mecs là ont juste un gros souci quoi, on est sur deux gros détraqués de base. J'ai pas réussi à trouver d'autres infos sur eux parce qu'en fait je pense qu'à la suite de cette expérience leur carrière n'a pas dû non plus s'éterniser. Parce que leur directeur de recherche a... Bah peut-être coupé quoi, là on a une thèse mortelle, ça va être oh trop là, c'est terrible. Et voilà, et en fait après ce qu'ils ont fait, c'est surtout ça qui est flippant, c'est qu'ils ont d'abord du dindon en masse et ils ont fait ça en fait avec d'autres volailles après quoi. Donc, oui, parce qu'ils voulaient sur du poulet. Mais ce qui est dingue, c'est d'imaginer le sérieux avec lequel ils ont dû présenter leurs études. Ah non, mais c'est ça, à mon avis, ça devait être genre l'excitation du dindon. Alors, chapitre 1. Connaître le minimum nécessaire à l'excitation sexuelle d'un dindon. Introduction. un petit PowerPoint. Ça c'est un dindon, ça c'est une dindonne. Ça c'est une dindonne. Digue ding dong den. Les Rita Mitsuko. Non, pas du tout. Pardon. Non, je sais pas. Vous... Si. Quoi, non. Bon, d'accord. Ça sera... On mettra un extrait de ce morceau-là. Pasqualino, extrait du morceau. D'accord, Pasqualino. Il aime pas ça. Il est pénible, Pasqualino. Oui. C'est le bourré de sucre, je vous dis. On le fera parler un petit peu tout à l'heure parce que là, il commence. Ouais, bah, c'est normal. Ça nous fait 4 émissions de suite qui nous voient. Alors, chut. Ouais, chiant. Oh non, respectez la personne. J'ai fait à côté. Voilà, bon en tout cas c'était pour les personnes du jour. Donc là, c'était très sympa. Là, c'était, mais voilà. Vous aimez bien les animaux aussi. Hein. Mais, bah, j'adore les animaux, vous le savez bien. Oui, non mais il y a aimer les animaux et se taper des grosses entrecôtes de bâtards comme vous. Vous êtes vraiment un enfoiré. Moi je sais pas parce que je suis gérant d'un Buffalo Grill pendant mes loisirs que c'est forcément. Oui, non, non, vous faites beaucoup. Ça en amateur. Quoi. Oui, bah, en dilettante. Ça. En dilettante, exactement. Bon. Après toutes ces connaissances qu'on vient d'apporter aux auditeurs de Fruits de la Station qui nous écoutent de plus en plus nombreux, je tiens à le préciser. Ah bah heureusement, l'inverse en partant de deux serait triste. Bah surtout que les deux, c'est vous et moi, quoi, donc ça aurait été difficile. Je vous propose à nouveau de se faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez, mon petit Richie? De quoi, de faire une pause? Ouais, une petite pause musicale. Ça fait du bien, c'est parti. Vous avez envie d'écouter quoi? Un truc un peu jazzy, un truc un peu... Un truc un peu électroposé, un petit peu musique d'ambiance. Pasqualino, je crois qu'il a ça en boucle. Ah. Très bien. Bah alors faisons comme ça. Merci Pasqualino. Petite pause. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressée. Mon attention se focalise sur le souffle et le silence. Thank you. et nous reprenons l'antenne. Fruits de la station, saison 1, épisode 4. Fruits de la station. Ah, je vais garder en tête. Elle est parfaite. Ah oui, elle est vraiment très très bien. Bon, oui. On en est à peu près à la moitié de l'émission. Je pense qu'on peut le dire. Une première partie excellente, pleine de culture, pleine de savoir. Je pense pleine de saveur. Comme ça, évidemment, pleine de saveur, pleine de curcuma, j'ai envie de dire. Curcuma, exactement. On va passer maintenant à une, on peut dire une pseudo-nouvelle chronique. Oui, une chronique qui a déjà eu lieu dans la deuxième émission. On se souvient de l'excellent Quizy Quiz. Mais là, ça va être quoi? Je me lance, j'y vais, hein, vous m'avez introduit. L'excellent, si le mémorable... L'excellent, le mémorable, l'exceptionnel Richie Booz nous entraîne dans son univers avec le, je pense qu'on peut le dire, excellent également, Quizy Collé Quiz. Allez-y, de toute façon, je vous laisse. C'est la nouvelle année, comme vous le savez, comme tous les ans, la plupart des gens, moi y compris, vous y compris, prennent des résolutions. Oui. Vous en avez pris un petit peu? Des résolutions? Ouais. Oui, j'en ai pris une, ouais. J'ai décidé d'arrêter de regarder tous les best-of de Laurent Baffy avant de me coucher le soir. Ah oui, ça peut être pas mal. Une des résolutions souvent prises, hormis celle d'arrêter de regarder les best-of de Laurent Baffy le soir, c'est... Oui. Bon, les gens, évidemment, ont envie d'arrêter de fumer, manger plus sainement, faire du sport, etc. Mais une résolution qui est très souvent prise, c'est de se trouver une passion et de s'y tenir. Mm-hmm. Et évidemment, une des passions, un hobby, c'est souvent les collections. Un hobbit. Ah. Et c'est une des passions les plus célèbres, c'est d'avoir une collection. C'est d'où le collègue. Alors, je vais vous poser trois questions. Et si vous répondez bon, j'adore ce regard qui pétille en face de moi, là. La première question. Oui. Ron Hood, un habitant du Maine, oui, collectionne quelque chose. Qu'est-ce qu'il collectionne? Un petit indice, il en a plus de 3000. Vous pouvez poser vos questions. Des troncs d'arbres? Non. Ron Wood? Non. Non? Bon. Un habitant du Maine? Ouais. Du Maine-et-Loire? Non, du Maine, aux États-Unis. Ah, du Maine. Nord-Est. Nord-Est des États-Unis. Vous pouvez, non, mais poser des questions. Est-ce que c'est un objet? Ouais. C'est un objet qui tient dans la poche? Ouais. Ok. C'est un objet qui sert dans la vie de tous les jours? Non. C'est un objet qui sert à quelque chose ou qui a il juste... sert à quelque chose, ouais. Ouais. Il sert à faire de la cuisine. De la cuisine quiz. De la cuisine quiz. Il peut servir à faire de la cuisine, ouais. Peut servir à faire de la cuisine. Est-ce que c'est quelque chose qui se déguste? Enfin, oui. Qui peut s'avaler? Oui. Très bien. Est-ce que c'est des épices? Non. Est-ce que c'est quelque chose de type végétal ou de type animal? Ni l'un ni. Plutôt végétal, du coup. Plutôt végétal? On est sur du minéral? Non, végétal. Végétal. C'est des plantes? Non, c'est plutôt lié aux plantes, mais c'est pas, vous attendez pas à ce qu'ils collectionnent les fougères. D'accord, très bien, j'étais là-dessus, collection de géranium, très en vogue, ma mère fait pareil. C'est quelque chose qui tient dans la poche, vous avez dit, mais qui est végétal. Non, c'est plutôt lié au végétal, ça se mange, c'est plutôt lié au végétal. Mais comment ça, plutôt lié au végétal? Par exemple, si je vous dis qu'ils collectionnent les pains, les baguettes, c'est plutôt lié au végétal, parce c'est du blé. Ouais, parce voilà, que du blé. C'est pas animal. D'accord, ok. Mais c'est pas, donc il y a transformation. Il y a transformation, il y a transformers. Donc vous avez dit quelque chose qui... Oh là là, paix, Pascaline. Pénible ce soir, vraiment. Reprenez, excusez-moi, je vais aller l'isoler un petit peu. Le piquer. Donc c'est quelque chose qui tient dans la poche et qui se mange. Est-ce que ça serait par exemple du chocolat? C'est sucré, c'est plutôt d'accord, sucré, c'est ce n'est pas du chocolat. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange dans des occasions précises ou oui, pas du tout? Quand on en a envie. Pas du tout des occasions précises. Bah si, on en a envie précisément à tel moment qu'on me donne l'envie. D'ailleurs, vous m'avez mal répondu la semaine dernière. Donc, arrêtez avec la semaine dernière, surtout, hein, c'est vraiment insupportable. Les auditeurs sont pas dupes, hein. Ils voient marqué un mois. La semaine dernière, vous m'avez mal répondu sur Thomas Nast. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, bref, passons. D'accord, donc quelque chose qui tient dans la poche, qu'il se mange quand on a envie. Est-ce que ça se mange quand on doit accomplir quelque chose de spécial, par exemple comme une pâte de fruits qu'on mange avant de faire du sport? Non, c'est plutôt lié aux bonbons. D'accord, donc quelque chose de sucré, une petite friandise. Quoi. Voilà, une petite friandise. Est-ce que c'est des caramels mous? Non. Non. C'est des friandises dont l'emballage peut être collectionnable, parce que différent tout le temps. Est-ce que ça serait des emballages de Malabar ou ce type non, de choses? Non, mais on se rapproche. Des emballages de Carambar où il y a non, des blagues dedans? Non. Pourquoi ils collectionnent l'emballage en parce fait? Parce qu'en fait, chaque emballage ouais, est unique. C'est une petite boîte en plastique qui tient debout et en haut de cette boîte, il y a une tête d'un personnage. Ah, les trucs peps là? Les pèzes. Ah, les pèzes. Tout voilà, à fait, les pèzes. Il y a des personnages, il en a plus de 3000. Oh. Donc il y a tous les personnages Disney, il y a tous les personnages. Et je connaissais quelqu'un qui collectionnait ça. Oh non. Que j'ai rencontré dans ma jeunesse lorsque j'étais animateur de centre aéré. Oh là bon, là. Après, on m'a enlevé ma... Votre licence, mais bon, on n'en parlera pas plus tard. Donc, il collectionne ça. Donc d'accord. Là, on a commencé Molo. Molo Feeding Collection. Est-ce que juste pour cette personne, est-ce qu'on peut parler de tristesse? Alors non, mais on pourra parler de tristesse un petit peu plus tard. D'accord, très bien. Allez. J'enchaîne avec la deuxième question, jingle. Quizy-collé-quiz. 1, 2, 3, c'est quoi? C'est le quizy-collé-quiz. Jingle qui restera tel quel, brut de décoffrage. J'espère bien. Que collectionne un philo-corbelier? Des corbeaux. Non. Des écharpes en corbeaux. Non. Des manteaux en corbeaux. Posez des questions, d'accord, Jean-Bierre. Est-ce que ça a un rapport philo corbelier, vous parlez un petit peu grec? Pas du tout. D'accord. J'ai fait juste espagnol LV2. Très bien. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec des animaux? Non. Des vêtements? Non. Un accessoire en particulier? Non. Des objets qu'on peut avoir dans un appartement? Non. Wesh. C'est plutôt lié à un moyen de transport. Des rails de train? Il collectionne des rails de train? Pourquoi il collectionne des rails de train? Mais il collectionne pas les rails d'accord. de train. Un philo corbelier. Philo corbelier. Corbelier. Corbelier. Oh là là. C'est un type de véhicule. Type de véhicule, trottinette. Autant vous dire que c'est une collection qui prend de la place. Alors, moi, j'espère que c'est pas des voitures, des tanks. C'est un genre de voiture. Un genre de voiture. Pourquoi un genre de voiture du coup? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plusieurs? Bah c'est pas, il collectionne pas toutes les voitures, il collectionne juste un type de voiture. Est-ce en particulier. Que c'est, je rappelle un philo corbelier. Mais c'est. Ouais, je sais pas si. Enfin, si c'est philos, c'est aimer. Ouais, d'accord, oui, bah voilà. Gérontophiles. Voilà, exactement. Et donc, il aime les corbeliers. Ouais, enfin, d'accord, corbeaux, les corbeliers. Ouais, mais. Y a rien qui vous vient là? Bah, corbelier pour un type de véhicule. Quel type de véhicule pourrait commencer? Alors, par c'est. Corbe. Vous avez dit type de véhicule ou type de voiture? Je pense que tout le monde a trouvé chez lui. Oh, type arrêtez, de voiture. M'humiliez pas comme ça. Quel type de voiture pour commencer par corbe? Bah, corvette? Non. Corbe. Je sais. C'est perdu. Oh non! Non, bah. Voilà. Il l'a dit, c'est perdu. Il collectionne. Remontez votre slip. Les corbillards! Vous pensez vraiment que tout le monde a trouvé? Bien sûr que tout le monde a trouvé. Philo Corbelier, enfin. Oh là là là là. Il collectionne vraiment. Et on repart tout de suite pour un jingle! Quizy-collé-quiz. Et là, on va continuer avec un, deux, mon préféré. C'est quoi? Quizy-collé-quiz. Quizy-collé-quiz. 1, 2, 3, c'est quoi? Stop. Quizy. Que collectionne l'anglais David Morgan? Il en a 500 de 137 types différents. Je vous écoute. Très bien. Est-ce que juste la nationalité que vous dites à chaque fois sert à quelque chose? Très parce important. Pour l'instant, rien de très tout. Important. Bon, alors redites-moi. Que collectionne l'anglais David Morgan? Il en a 500 de 137 types différents. Est-ce que c'est un rapport avec les cassettes de Davy Crockett? Non. D'accord. Est-ce que c'est donc pareil, donc un objet du quotidien? C'est un objet. C'est un objet. Un objet du quotidien? Pas du quotidien. Un objet de pas du quotidien? Pas du quotidien. D'accord. Un objet qu'on trouve dans un supermarché? Non. Un objet qu'on trouve pas dans un. Ok, d'accord. C'est un objet assez conséquent, par exemple comme pour les corbillards? Assez conséquent, non. Il va, on va dire, être à peu près grand. Il vous arrive à peu près au genou. D'accord. C'est un objet qui sert à se déplacer. Non. Pour quel type d'activité cet objet c'est pourrait servir? C'est un objet qui sert à signaler quelque chose. D'accord, des fusées de détresse, par non. exemple, ce genre de choses, non, non? Non, qui est immobile. Qui est immobile, par exemple, oui. Un feu rouge. Par exemple, mais ce ça n'est pas pourrait ça. Être des choses comme ça. Des c'est... panneaux de signalisation, un feu rouge. C'est plus lié à la signalisation, en effet. Vous d'accord. y êtes. Très bien, donc des panneaux, donc pas des panneaux de signalisation, mais qui servent. Je vous ai dit qu'il vous arrive à peu près au genou. D'accord. Oui, bah ouais. Des plots. C'est il collectionne les plots. Ouais, d'accord. Donc la tristesse. Signalisation. Les plots de chantier, il est fasciné par leur forme et il dit, puisque j'ai été lire une interview en anglais de lui, j'ai traduite un peu vite fait. Oui, bah normal. C'est vraiment intéressant. Ils ont tant de formes, de tailles et de couleurs et leurs modèles changent tout le temps. Il en achète dans le monde entier. Il a lui-même une usine de plots de plastique en Angleterre. Il en achète en Asie, aux Philippines, en Afrique, partout. Et il a des plots de chantier magnifiques, des verts, des rouges. Et ça, est-ce que ça vous... Jean-Pierre, à chaque fois, je me sens très mal à l'aise après les quiz. Pas du tout, pas du tout. Juste, je vous laisse vous expliquer. Est-ce que vous avez envie de collectionner quelque chose après ça? Alors, bah, après ça, du coup, oui, moi, par exemple, les filtres anti-pop qu'on utilise, ouais. Je les trouve vraiment. À chaque fois qu'on les installe, moi, ça me provoque une petite sensation dans le bas-ventre. Ça fait professionnel. Exactement. Déjà, ça fait professionnel. Et puis, j'aime beaucoup cette texture malléable et un petit peu veloutée. Un petit peu poite. Ça. Ouais, exactement. Alors, par contre, ce que vous venez de dire là, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu sur YouTube, qui est très intéressant. C'est en fait quelqu'un qui est fan de tout ce qui est éclairage public. Alors, c'est dans un registre un peu différent, mais le gars a carrément une chaîne YouTube sur les éclairages publics. Et du coup, il fait des visites dans différentes villes de France où il va dire « Ah, bah, ce lampadaire-là, c'est tel modèle. Et puis là, en plus, c'est trop bien. Il est super entretenu et tout. » Et le gars est un spécialiste de ça. Et je trouve ça magique qu'on soit passionné par des choses Alors, comme ça. Alors, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais j'ai une passion qui peut paraître un peu bizarre. Et moi, je suis passionné par les cheminées industrielles. Vous voyez les grandes cheminées en briques. Les trucs d'anciennes usines, un peu dans comme les anciennes usines. Dans des endroits comme Saint-Ouen, par exemple. Oui, voilà, par exemple, il y avait des grandes cheminées un petit peu qui dépassaient des hangars. Mmh. Et je suis pas passionné. J'adore ça et j'allais les photographier, j'allais les traquer partout dans les villes où j'ai habité. Et je trouvais ça magnifique. Vous savez quoi? Je trouve pas ça si bizarre que ça. Je trouve qu'il y a une esthétique un peu du désœuvrement, une esthétique de l'abandon. Je suis d'accord. Très beau dans comme ces zones-là. Tous ces photographes qui vont photographier, qui font de l'urbex, je trouve ça assez magique. Et j'étais notamment tombé sur le bouquin d'un photographe qui, lui, prenait des châteaux d'eau en photo. Ouais. Et on peut se dire, les châteaux d'eau, ouais, c'est tous pourris, c'est tous les mêmes. Et pas du tout. Au contraire, il existe plein de types et de formes de châteaux d'eau différents. Et lui faisait ça et je trouvais ça super intéressant. Moi, je connaissais quelqu'un qui prenait pas des châteaux d'eau en photo, mais des chattes. Des chattes pleines d'eau. Hashtag femme fontaine. Hashtag Brigitte fontaine. Hashtag on continue. Hashtag Jean de la fontaine. Allez, on continue. Jean-Pierre, je vous écoute. Qu'est-ce qui m'attend après? Ah, c'est fini? Ah bah oui. Vous avez perdu. Mais pourquoi? Bah, vous avez pas trouvé les corbières. Bah oui, mais j'en ai gagné 2 sur 1. Non, c'était 3 sur 3. Votre cadeau, il reste dans le sac. J'imagine que c'était un magnifique plot de signalisation en plus. Bah oui. Très bien. Bon, bah ok. Je vois que vous êtes un peu mauvais joueur ce soir. Non, mais c'est les règles, c'est les règles. C'est pas grave. J'enchaîne sur une chronique qui s'appelle Vrai sport ou faux sport. Olivier de la station. Jean-Pierre Berno et Richie Bouze. Qui s'appelle Vrai sport ou faux sport, parce que je n'avais pas trouvé d'autres jeux de mots. Vrai sport ou faux sport? Ouais, mais pas du tout. En fait, c'est vrai sport ou faux sport. En fait, c'est très simple. Je vais vous donner des descriptions. Est-ce qu'il y a un jingle pour ça? Oui. Vous voulez quoi à peu près? Comme jingle, j'aimerais bien un truc un peu jazzy à base de. Vrai sport, faux sport. À la élève un porc dans un porc. Mets tes porcs et je vous donne des expressions de sport ou de compétition et vous devez me dire si c'est des choses qui existent vraiment ou qui sont totalement fausses. Elles sont totalement fausses. Vous êtes prêts? Et vous savez parler un peu? J'allais dire vous êtes vrai. Faites pas de la radio. Hein. Vous êtes prêts? Eh, non, on fait pas de la radio, non. On fait un podcast entre copains. En direct. Arrêtez de me juger comme ça. En direct. Chut. Oh. Désolé. Alors, on commence par un sport qui s'appelle le chess boxing. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est le chess boxing? Bah, boxe. C'est très simple. Ah. En fait, c'est une alternance entre des rounds d'échecs et des rounds de boxe. C'est-à-dire ça existe, mais je connais. Sérieux? Oui, ça existe. Alors, allez-y, parlez-moi. Eh bien, tout simplement, entre chaque tour d'échecs, un ring se déroule sur le ring et c'est un mélange entre le sport intellectuel et le sport physique. C'est très connu. Vous êtes très fort. En fait, il y a 11 rounds à chaque fois. Excusez-moi avec 4 de vous minutes gâcher d'échecs un petit peu votre complètement. Vous auriez pu au moins faire un peu durer le suspense. Vous êtes déjà fait tout à l'heure sur Ouvert la nuit que j'ai vu 3 fois. Quoi. Putain. On appelle ça une crevure dans le milieu. Alors, 11 rounds deuxième avec à chaque insulte. Fois. 4 minutes d'échecs. 11 rounds à chaque fois avec 4 Enlevez, minutes d'échecs. Mais remettez votre pantalon. Pourquoi vous enlevez votre pantalon, Jean-Pierre? C'est n'importe vous quoi. Vous êtes horrible. C'est n'importe quoi. Moi, je vois. En plus, vous avez des sortes de petites plaques un peu rouges sur les cuisses. C'est immonde, quoi. Laissez-moi tranquille, je fais de l'eczéma. C'est à oui, chaque bah, fois que je regarde Netflix. Sabine, eczéma. Allez, continuez vos sports. Je ne détaille même pas le chess boxing. Je vais juste dire un seul truc, c'est qu'il y a un sport qui a été inventé par Enki Bilal. Eh non, mais ça va, un petit peu de respect, l'autre. Il est en train de feuilleter Gabriel Amorce. Là, bah oui, excusez-moi d'aimer votre cadeau. Bah oui, mais pas maintenant. C'est juste pour le chess boxing, c'est un sport qui a été inventé par Enki Bilal. Mm. Et ça, c'est vrai. Dans une BD. Donc oui. Voilà. Bref, on continue. Alors ça, c'est une compétition plutôt qui n'a, enfin, il y a pas vraiment de nom en fait. C'est juste plutôt un hommage en fait aux frères Montgolfier. C'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans en France en plus pour le coup. Arrêtez, ah, il me fait nom de la tête. Vous voulez même pas que je termine? Bah moi je s'en fous, mais allez-y. Vous allez me saboter ma chronique. Très bien. Non, mais le jeu c'est que je sache si c'est vrai ou faux. Oui. Ou bah, mais alors laissez-moi développer un petit peu. Alors attendez 2 secondes. Voilà, il a jeté le livre de Gabriel Amorce comme une poubelle, alors que je l'ai payé très cher. Bref, en fait, c'est une compétition qui se passe, c'est par équipe de 4, et à chaque fois, par équipe, il y a 2 montgolfières. Dans chaque montgolfière, il y a 2 personnes. Il y en a un qui va gérer l'altitude de la montgolfière, et l'autre qui va devoir lancer et jeter un objet. En face, il y a exactement la même montgolfière, avec une personne qui gère l'altitude et qui doit réceptionner ou relancer l'objet. Et en fait, donc, c'est 2 montgolfières par équipe, 4 personnes à chaque fois. Et à côté, il y a exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils doivent se jeter? Ils doivent se jeter, vous voyez, ce qu'on a dans les kermesses, là, les trucs de... Quand on gagne un poisson rouge, il y a un sac en plastique avec de l'eau et de poisson rouge dedans. Ouais. Là, ils doivent monter et se jeter ça, et le réceptionner. Sans que ça éclate, sinon c'est lancé trop fort. Sans que ça tombe, parce qu'autrement, c'est perdu. Ouais. Et en fait, le but du jeu est d'augmenter le nombre de réceptions et de lancer, et en plus de grimper en altitude le plus possible. Et donc, c'est 2 équipes qui s'affrontent à chaque fois, donc avec un total de 8 personnes. Ils doivent monter le plus haut possible en lançant et en réceptionnant ce poisson-là dans son sac en plastique. Vrai ou faux? Maintenant, j'hésite un petit peu. Ah, mais vous voyez, vous aviez raison, mais c'est terminé. Mais je me dis qu'un sac d'eau, c'est très compliqué à lancer et que l'intérêt, ce serait moins qu'il monte en altitude, qu'il s'éloigne l'un de l'autre. Ah bah non, parce que là, pour lancer quelque chose. Oui. Bah là, il y a déjà la grosse difficulté de gérer la montée pour que les 2 montgolfières restent plus ou moins au même niveau. Je vois. Mais voilà. Mais après, voilà. Donc, qu'est-ce que je dirais que ça n'existe pas, mais que c'est très inventif. Ça n'existe pas, en effet. Et c'est très inventif. Voilà, j'y ai pensé parce que je me disais, bon bah le poisson qui est le poisson volant, qui est l'emblème des frères Montgolfier quand même. Oh, non, pas du tout. Mais en fait, si vous m'aviez posé la question, ça aurait été ça. voilà. vous aviez prévu. Oui, j'avais été prévu. Donc, un record actuellement détenu par des Espagnols à 634 mètres de haut. Donc, voilà. Et avec 132 lancés, quand même. Mais toujours sur quelque chose pas. Qui n'existe pas. D'accord. Voilà. Voilà. C'est juste je préfère limite jouer à ça qu'au chess boxing. Oui, je vous comprends. Alors, le hockey sous glace maintenant. Est-ce que vous voyez ce que c'est le hockey sous l'eau? Le hockey subaquatique, oui. Exactement. J'en ai fait. Oh, c'est vrai? Oui. Eh ben, chapeau. Très compliqué parce que retenir sa respiration en mouvement, le palais étant lesté au fond de la piscine, il faut le déplacer. On est en train de lancer un mouvement, on doit remonter, prendre sa respiration. On n'est pas là pour passer, pour parler de ça, mais d'accord. On parle du hockey sous glace. Alors, le hockey sous glace, c'est exactement pareil, sauf que ça se joue dans les glaces, dans des lacs gelés, en fait. Mmh. Et qu'en fait, là, pour le coup, le palais n'est pas lesté et donc flotte. Ce qui se passe, c'est que le palais, en fait, il est bloqué par les couches de glace, évidemment. Et donc, les joueurs doivent plonger, retenir leur respiration, pousser le palais, donc c'est 2 équipes de 2, quoi. Et ils doivent pousser le palais qui reste bloqué sur la surface de la glace. Ils doivent ressortir, prendre leur respiration par le trou qu'il y a. Donc c'est un sport qui est quand même assez dangereux parce que déjà il fait très très froid et faut savoir retenir sa respiration. Se noyer tout bêtement. Hein. Voilà, exactement, si on trouve pas le trou. Et voilà. Et vrai ou faux, c'est là. Est-ce que le hockey sous glace existe? Je pense que oui. Oui, je pense que c'est des Nordiques qui sont barjots et qui. La première Coupe du Monde de hockey sous glace s'est déroulée en 2007 et en effet a été remportée par des Finlandais. Voilà. Parce que là-dessus, les Angolais sont beaucoup moins bons sur le. C'est vrai. quoi qu'on a été vachement surpris avec le bobsleigh. Hein. Ah oui, très bon film. Rasta Rocket? Non, Les Visiteurs 3 en Amérique. Ah, pardon. quatrième sport, pardon. Un sport d'origine hongroise qui s'appelle le Moak. Alors, le Moak, c'est un sport de combat qui se joue par 2 équipes de 3 qui s'affrontent. Équipes de 3, c'est-à-dire de la ville de 3? Oui, exactement. Ah, c'est que des gens de la ville de 3, de 3 villes. Non, c'est 2 équipes de 3, donc ils sont 6 dans un ring, en fait. Non, ne commencez pas. 2 équipes de 3. Ne commencez pas. La ville de 3. Non, 2 équipes où ils sont 3 personnes par équipe. Ah, d'accord. Voilà. Ils sont dans une sorte de ring un peu où on ne peut pas sortir. Pour chaque équipe, il y a à chaque fois 2 cogneurs et 1 soigneur. C'est-à-dire comme un peu dans Harry Potter et le Quidditch. C'est un peu ça. Et les et vous alliez dire Harry Potter. Rien, j'avais terminé ma phrase. En fait, ce qui se passe, la particularité de ce sport de combat, c'est qu'en fait, ils ne peuvent utiliser que la tête. Donc ils sont 3 contre 3, ils peuvent utiliser que la tête, donc c'est quand même à base de gros coups de boule dans la gueule. Les Hongrois, ils sont bourrins. Hein. Ouais, les, oui, bah, enfin, ouais, je vous dirai après, mais ouais, ouais. Et, ce qui, et l'autre, la deuxième particularité très marrante de ce sport, c'est que le soigneur ne peut pas lui frapper. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est là pour mettre les pansements, parce que du coup, ça saigne vachement de la gueule au niveau des arcades. Oui. Donc il est là pour foutre les pansements à ses deux coéquipiers. Par contre, les deux cogneurs de l'équipe en face essayent justement de défoncer le cogneur qui, lui, n'a pas le droit de répondre. D'accord. Ah oui, je vois un petit peu la mécanique du jeu. Donc les deux cogneurs doivent protéger leur soigneur, en même temps un peu friter les autres, essayer d'aller friter le soigneur de l'autre, et voilà. Et ça se passe dans un ring comme ça. Il y a pas de round, on est plutôt sur un temps qui est imparti et savoir qui peut combattre à la fin de ce temps-là. Alors c'est un sport déjà qui ultra violent, qui c'est, me donne. C'est très très violent. J'aimerais le voir. C'est un sport. Après, est-ce que c'est un sport ? Puisque ce à quoi je dois répondre, c'est ce que vous l'avez inventé ou est-ce que ce sport existe ? Exactement. Je pense que votre esprit est d'une pureté inégalable. Même si vous avez inventé à l'émission dernière une femme qui se mettait des boules de Noël dans la chatte, Virginie Bouze, qui finissait, qui finissait à l'hôpital. C'est vrai. Je pense que ce sport existe. Mm. Et non, ce sport n'existe pas. Mais par contre, ça aurait été, j'aurais trop aimé. Ça aurait été très drôle à voir, en effet. Oui, non, non. On se fait ça tout à l'heure ? Ben on peut, ouais. Faut qu'on trouve des copains, par contre. Non, mais à deux, les mains dans le dos et avec la tête. Bah, du coup, ouais, très bien. Bah les soigneurs, les cogneurs, tout ça. On fait tout. D'accord. En fait, je vous donne un coup de boule. Et après, je vous mets un pansement. Un et chacun son tour. Vous me donnez une goudou. Je donne une goudou. Après, vous... après, je lui mets un pansement. Parce qu'après, ce que vous allez lui faire, il risque d'avoir besoin d'un bon cataplasme. Alors, on passe à un autre sport qui s'appelle le cheese rolling. Alors, le fromage qui roule. Exactement. Ouais, c'est un fromage qui est lancé dans une descente. Oh putain! Et chacun merde. Doit courir après. Oui. Et celui qui le remporte, je crois que c'est en Irlande ou c'est en Grande-Bretagne. Dans un bled paumé en Angleterre. Ouais. C'est en Angleterre. Ouais. Et celui qui va en premier dans la descente, il, rate, il gagne le fromage. Est-ce que vous voulez expliquer? Vous avez vu déjà des vidéos du. Ouais. Oui, je regarde en général tous les ans. Du cheese rolling. Et la pente c'est est tellement abrupte. C'est fou. Que si on se met à courir. On se vautre. On commence, les jambes vont plus vite que le corps. Comme chacun a déjà fait l'expérience de se lancer dans une descente petit ou après. C'est vont plus vite que le corps et le poids du tronc va vers l'avant et on finit par rouler bouler et c'est hallucinant parce que du coup les gens se vautrent, il y a carrément en bas de la pente des pompiers qui sont là, il y a des civières mais quasiment mais c'est, les chutes fait, sont très impressionnantes ils sont sur très, les vidéos très très nombreux en haut de la pente, ils se lancent par un paquet de 10 à peu près et donc il y en a plein comme ça et à chaque fois à chaque paquet qui se lance il y a forcément des civières qui arrivent parce qu'il y en a un qui s'est vautré etc et il y a vraiment des vidéos YouTube mais qui sont à chialer c'est de mal, rire hein. C'est très impressionnant contre, c'est fou et en plus ce qui est un peu étonnant c'est sur les vidéos YouTube on se rend pas compte que la pente est aussi forte oui, que oui, ça et très, on comprend très... des fois parfois on comprend pas pourquoi il se casse la gueule autant en fait c'est d'une violence mais c'est extraordinaire quoi. Et ça, moi, ça d'ailleurs avec l'invité peut-être l'invité qu'on aura la semaine prochaine on avait inventé le skate grass. Quand, oh là là. Quand on était. Vous faites bien de dire peut-être, hein, parce qu'on ne sait pas oui, si oui, on confirme. On ne sait pas, on n'a pas de nouvelles. Non. Et donc on habitait près d'un château, et autour de ce château, il y avait des douves qui étaient très pentues également. Ouais. Ah, vous viez ça ? Et on avait retourné un skateboard ou une luge, et on descendait dans les parce douves que de ce château. Retourner un skateboard, c'est un peu con, non enfin, mais si, parce qu'on voulait aller sur le bois, pas sur les roues, pour glisser vraiment dans la descente. C'est pas que vous l'aviez retourné, c'est juste que vous aviez enlevé les roues, quoi. Non, on l'avait retourné. Mais si vous le retournez, ça veut dire que la partie comme ça, elle était face contre ça. Ouais. Ça devait planter dans la. Ouais, ça plantait. Ouais. D'accord. Okay. On est sur du génie. Non, là. Non, je sais, je me souviens maintenant. On avait pris un bodyboard. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, dans ce cas-là, ça va. Voilà, on avait pris un bodyboard. Vous avez raison, mon cher Jean-Pierre. Avant-dernier sport, le botaoshi, qui est un sport japonais, qui est joué par l'Académie des forces japonaises d'autodéfense. Alors, vous connaissez ou pas ? Non, je ne connais pas. Alors, c'est un bijou, là. C'est deux équipes de 75 joueurs qui s'affrontent. Donc, 75 joueurs, hein, on est quand même sur du 150 personnes. Et c'est complètement con. Il y a une équipe qui a un tronc d'arbre qu'ils doivent défendre. Sur ce tronc-là, il y a 74 coéquipiers qui se mettent en bas du tronc et qui doivent défendre le tronc. Ouais. La 75e personne est en haut du tronc. Marc. Non. Philippe. Il y a une seule personne qui tient le tronc ? Non, en fait, ils sont tous autour du tronc en train de le tenir. Mais la personne. Ah oui, d'accord, ils le tiennent à plusieurs. Il y a une personne au-dessus et vous allez savoir. Debout pourquoi. Sur le tronc. Ouais, c'est ça, elle est à moitié accroupie sur le tronc, donc pieds nus. Empalée. Tout ça pieds nus. Mais non, pas empalée. Ah. Elle est sur le tronc et elle s'accroche au tronc. Ce qui se passe, c'est que les 75 autres adversaires vont charger. Ils vont devoir défoncer la défense la mêlée, du tronc. Un peu, ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils sautent, mais vraiment le genou en avant, quoi, pour réussir à coucher le tronc d'arbre d'un angle de 45 degrés. Et du coup, le mec qui est sur le tronc d'arbre, il doit filer des gros coups de tatane pour ceux qui essayent de s'accrocher à son tronc, quoi. Et voilà, c'est le sport qui s'appelle au Japon, botaoshi. Vous m'avez dit. au Japon, exactement, l'Académie des forces japonaises d'autodéfense qui s'exerce à ça. Et c'est représenté devant mais un parterre de gens. Enfin, il y a un public, mais de fou pour ce sport-là, quoi. Alors, j'avais déjà dit que les Hongrois étaient des bourrins et que le sport de combat de tête existait peut-être. Je sais que les Japonais sont un petit peu barjots parfois aussi au niveau de leur créativité et des idées qu'ils peuvent avoir dans tous les domaines. J'ai envie de dire que ça existe aussi. Ça existe. Ça existe, c'est vrai. Ça existe vraiment. J'ai vraiment hésité. Et alors là, pareil, quoi, je vous encourage à aller voir des vidéos YouTube, mais qui sont. Mais par contre, c'est. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom ? Le Botaoshi. Botaoshi. D'accord. Et c'est juste mais d'une stupidité, d'une violence, mais complètement folle. Ça va être terrible. Troisième, pas du tout, mais en tout cas dernier sport que je vous propose ce soir, qui s'appelle la Indiana Run. Et en fait, qui est une course qui se passe dans un désert aux États-Unis, où ils ont installé une espèce de grosse structure, mais genre sur 5 km, qui fait un peu comme une rampe de skate. Genre, elle descend, enfin pas comme un U, parce qu'elle ne remonte pas, mais juste elle descend pendant longtemps. D'accord. Ce qui se passe, c'est que sur cette. Les participants commencent en haut de la rampe, un petit peu pour le cheese rolling où les gens commencent en haut, et ils commencent à courir. C'est une course qui dure à peu près 5 km, les participants s'élancent, et au bout. Alors, c'est. Une fois que le dernier a franchi la ligne, les organisateurs du coup, de cette course attendent 2 minutes et lancent une espèce d'énorme boule, d'où le fait Indiana Run, parce qu'on connaît la célèbre scène du film dans Indiana Jones. Ouais. Voilà. Et donc les participants doivent courir, et là il y a une énorme boule, donc c'est en espèce de. C'est pas du PVC ou c'est pas les. En polyester, enfin peut-être quelque chose. Un truc un peu mou. Polystyrène. Non, c'est plus dur que ça. Polypocket. C'est genre, vous voyez les trucs. Polynésie. Poly et. J'en avais pas. Poly et moi, avec Adam Sandler. Très bon, ça. Non, oui, pas avec Adam Sandler, pardon, avec non. Ben Stiller. Oui. Et Jennifer Aniston. Je confondais avec Amour et Amnésie avec Adam Sandler. On est pas les passés pour ça. Et Drew Barrymore, pardon. On reprend. Oh là, comment j'étale ma culture. C'est hallucinant. Bah non, c'est des sports que vous connaissez. C'est normal que vous étiez un peu plus, votre c'est culture. Pas la consistance comme ça. C'est plus. Chewing gum. Les boules anti-stress. Caoutchouc mou un peu là. Ouais, ok. Voilà, une énorme boule comme ça qui fait à peu près le diamètre de la rampe et du coup qui poursuit les participants. Et d'accord. Le but c'est justement déjà de parcourir les 5 km. Bon, ça c'est plutôt easy. Quoique, vu que c'est dans un désert à la con, il fait genre entre 35-40 et c'est de surtout pas se faire pécho par la boule. Et la boule elle continue à rouler, elle a autant oui, en fait, d'élan pour alors, tenir là-dessus, combien il y a une organisation de fou justement parce qu'il mesure le poids et la densité de la boule par rapport à l'inclinaison de la pente pour ouais. Justement que ça défonce pas tout le monde d'un coup mais que ça y aille progressivement. Ça tienne longtemps ouais. Mais elle prend de la vitesse. Vous avez dit quoi ? Que ça tienne longtemps l'élan Oui, j'ai cru que vous aviez parlé de Yves. Yves Longtemps qu'on connaît et qu'on sait. Ah. Et que... Oh, l'île Maurice. La bicyclette. J'habite seul avec maman. Dans un très vieil appartement. Ah, bicyclette. Donc voilà. Vrai ou faux sport, la Indiana Run aux c'est États-Unis. C'est un faux vrai sport qui n'existe pas. Oula. Très bien. Eh bien, vous avez raison. Ça n'existe pas ? Je sais pas, vous pouvez refaire votre phrase. Moi, je dis que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en effet. Mais ça n'existe pu... pas. Ça n'existe mais pas. Mais je pense, en fait, vous savez, je me suis dit que ça doit être tellement compliqué à mettre en place. Oui, parce que les États-Unis, ils ont fait. Ouais, ils ont plus des moyens. Juste que ça. Mais Super Bowl, oui. Eh bien, écoutez, mon cher Richie, c'est la dernière fois que je ferai cette chronique. Parce que vous avez eu 100% de bonnes réponses, ce qui m'agace quand même. Mais arrêtez, c'est pas grave. Et non, mais bien sûr que non, ce n'est pas grave. On est là pour nous s'amuser. Vous savez que j'ai hésité. Non, j'ai pas eu. Non, on n'est pas là pour s'amuser, ça. Non, j'ai pas eu 100% de bonnes réponses. Bien en sûr plus, puisque les Hongrois, j'ai dit que ça existait. Ah, le Moac. Ouais. Oui. Non, c'est vrai. Le Moac, ouais. Bah oui, je me suis trompé. Très beau sport, le Moac. Qu'on testera tout à l'heure et qu'on filmera et qu'on le mettra sur les réseaux sociaux. Ah oui, on va faire une petite partie, là. Ah, oui. Surtout l'état d'énervement, parce qu'on l'a déjà dit. J'ai l'impression Jean-Pierre qu'on parle à l'alcool mauvais. Depuis tout à l'heure. Jean-Pierre Verneau à l'alcool mauvais. Il boit en plus un vin. Je sais même pas d'où il sort. C'est grave. Même pas du raisin. Il a l'alcool très mauvais et du coup, bon bah, il s'énerve un peu contre moi. D'ailleurs, je le vois, il devient très rouge. Mais non, pas du tout. Je suis extrêmement zen. J'ai bu une petite verveine de curcuma avant de venir. Parfait. En tout cas, est-ce que vous avez aimé cette chronique ? Oui, j'ai adoré. Est-ce que vous aimez bien les vrais faux comme ça ? J'adore. Parce que, mais peu, moi, je rentre dans le jeu et je joue peut-être trop pour rentrer pas que dans le jeu. Pardon ? Je suis trop à fond dans le jeu. C'est-à-dire, si je c'est connais, vrai. Je vais pas faire semblant pour vous. C'est clair. Parce que vous m'avez défoncé sur le chess boxing oui, mais et sur le chess. Si vous voulez, moi, je suis dans le jeu. C'est vrai. Mais vous avez raison. Et je préfère jouer la franchise. Vous savez quoi ? Les auditeurs le sentiraient si voilà. Vous descendez. J'ai pas envie de dire oulala, je sais pas, peut-être. Attendez, oulala, non, je connais le cheese rolling. J'y ai participé avec JK il y a pas plus de 2 jours. Et on s'est régalé. Donc voilà. On s'est régalé. badabim, bim, badabadaboum. Fruits de la station, saison 1, épisode 4. Préparé pourri. Légèrement, oui. C'est juste qu'en fait, on s'apprécie énormément. Alors, on arrive dans la, on peut dire, la dernière ligne droite de cette émission. La dernière ligne droite, oui. Exactement. Pour cette dernière ligne droite... La troisième mi-temps. Pour cette dernière ligne droite, il y a encore, c'est beaucoup dire, j'ai envie de dire, mais n'empêche, un auditeur qui nous a encore fait très plaisir. Ah oui. En nous envoyant un commentaire audio, comme l'a fait péremptoire la dernière émission. Et du coup, évidemment, comme on le disait, tout ce que vous nous envoyez sera diffusé. Là, c'est encore un commentaire sur Fruits de la Station. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, mais également des bruits, des sons, des poèmes, de la musique, n'importe voilà, quoi. Tout ce qui vous passe par la pas tête. Pas simplement un commentaire au sens propre, c'est-à-dire commenter l'émission, mais un fichier audio avec ce que vous avez envie de transmettre au monde, parce que le monde nous écoute, sachez-le. Exactement, sachez-le. Donc on va s'écouter ce petit commentaire ensemble qui est signé Frère Mao, qui nous suit depuis quelques temps maintenant. Frère Mao qui est sur SoundCloud aussi, qui fait de la musique, je crois. Exactement. Et oui, donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait, c'est vous très sympa. Frère Mao sur SoundCloud, il fait de la musique et c'est très cool. On écoute ce commentaire en duo ensemble maintenant. Vous nous entendrez sans doute Richie et moi commenter derrière. On lui laisse la parole à toi, Frère Mao. Salut Richie, salut Jean-Bierre. Voilà, bon, je fais finalement mon commentaire. Ce sera un truc très classique. Petit accent. Et probablement très chiant légèrement. D'ailleurs. Avant cette prise, j'avais tenté chiant. D'autres trucs dans l'espoir d'être drôle. Mais je me suis vite rendu compte que c'était plus malaisant drôle. Qu'autre chose. Donc voilà, je vais partir dans une direction plus neutre. Alors, ça paraît pas, oui. Mais tenir un podcast comme ça sur une heure et demie, avec beaucoup d'impro, bah, c'est pas simple comme exercice. Merci, donc bravo mon les gars. Merci. Vous êtes une super c'est découverte plaisir. Dans la lignée de Riviera Détente. Et je suis pas le premier à faire la comparaison, vous dilatez bien la membrane, donc le job merci. Est fait, et je tiens vraiment à vous féliciter pour le dernier épisode qui me fait pleurer de rire à chaque fois. La lettre de Jean-Bierre au Père Noël, c'est formidable. Bon, j'avoue qu'il y a un truc qui me dérange sur votre émission, c'est le vouvoiement. Je trouve que ça perturbe un peu le climat convivial du truc. En fait, ça met de la distance entre vos deux personnages, alors qu'on sent que vous êtes des potes et que voilà, vous êtes complices. D'un autre côté, y aura c'est une peut-être explication aussi une question là-dessus. D'habitude. Hein, oui. Parce que je me rends compte que sur le dernier épisode, finalement, ça me choque moins. Voilà. En tout cas, c'est vous très cool de vous écouter. Vous méritez plus d'audience. Je pense qu'il y a encore pas mal de place pour tout un tas de petits podcasts. Ça va venir, bébé. Et je pars du principe que votre initiative mérite clairement des encouragements. Donc bravo les gars, continuez, c'est super. Beaucoup. Vous tâtonnez peut-être encore un peu le format et les il chroniques. Il est très gentil ce frère Mao. Franchement, c'est adorable. Un super début. Et puis quand vous aurez atteint votre potentiel maximum, mais on je suis persuadé que les fruitos afflueront par milliers. Voilà. Bon, à très vite les gars. Et puis, merci bisous. Beaucoup bisous, frère les fruitos. Mao. Gros ciao. Bisous à toi. Ciao. Merci. Merci frère embrasse. Mao, c'est très gentil. Exactement, ça fait très très plaisir. Ça fait très plaisir, c'est très sympa. C'est pas du tout malaisant comme tu l'as dit au début, au contraire, nous on trouve la ça sincérité, très sympa. Ça nous touche. Exactement. On l'a dit de toute façon, les critiques chut, pas encore. On l'a dit, des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, des comparaisons avec Riviera Détente, c'est vrai qu'en effet, tu n'es pas le premier à le dire, mais il y a aucun problème là-dessus, même c'est plutôt un compliment d'ailleurs. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça nous a fait très plaisir. Bien sûr. Commentaire d'une minute trente. On vous encourage encore tous à le faire. Donc, n'hésitez pas. fruitsdelastation@gmail.com. Laissez parler votre créativité. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire entendre vos bruits de flux, vos bruits de fluxus un peu. Ouais, exactement. Vous avez une flûte de pan sous la main. Jouez-en. Vous avez un yo-yo sous la vous main. Vous avez une fuite de robinet sous la main. N'hésitez pas. Et appeler quand même un plombier parce que ça peut être pénible. En tout cas, merci beaucoup. Petit tips encore, hein, toujours. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc là, on l'a joué un petit peu différemment qu'avec Péremptoire, c'est-à-dire qu'on a commenté peur dessus, donc on va pas s'éterniser plus que ça. En on tout le cas, remercie, on le vraiment, remercie. Merci frère Mao. Et encore, comme l'a dit Richie pendant le commentaire, n'hésitez pas à aller voir ce que frère Mao fait sur son SoundCloud. Il fait des sons très très bien produits. Maintenant, on va enchaîner avec un personnage de l'émission qu'on affectionne particulièrement. Qui a parlé, qui a pris la parole beaucoup trop ces derniers temps. Prend la parole, c'est vrai, un petit peu. Et je l'avais dit en début d'émission, est-ce qu'on n'interviewerait pas Pasqualino un petit Pasqualino peu Pasqualino qui, pour le présenter en deux mots, en fait, Pasqualino, c'est le régisseur de notre émission. C'est celui un petit peu notre homme à tout faire. Exactement. Qui va nous aider à préparer les émissions, qui va c'est lancer ça. Des sons, qui va passer un petit coup de balai, qui va resservir des verres. Une personne qu'on adore énormément. Et Jean-Bierre, je crois que vous parlez un petit peu sa langue. Qui est un mélange, ça qui est un mélange entre un patois du sud de la Loire, le portugais et le cri du porc. C'est ça. Donc, à peu près. Vous parlez un petit peu cette langue, donc je vais vous laisser traduire. Écoutez, je vais. Sans aucun problème. Est-ce que vous êtes prêt? Moi, clic. Alors, eh bien, bonjour Pascolino, je suis très heureux de vous recevoir pour la première fois. Ouais. Oh, je le tutoie, Pascolino. On peut tutoyer Pascolino. Je suis Pascolino. Très heureux de te recevoir, Pascolino. Bonne année. Comment tu te sens actuellement? Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Pascolino? On t'écoute, quoi. D'accord. Alors, en fait, Pascolino, là, il dit qu'il se sent bien et qu'il est heureux de travailler pour nous et pour Fruit de la Station en général. Il en profite d'ailleurs pour nous remercier d'avoir participé au programme Pascolino Go. D'accord, bah, c'est très gentil de sa part. Mais moi, la question que j'aimerais savoir, parce qu'il faut le savoir pour les auditeurs, Pascolino était là dans la cabane quand on est arrivé pour la première fois. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas emmené avec nous. Donc on l'enregistre dans la cabane de la grand-mère, comme chacun sait, mais il était déjà là. Donc j'ai envie de te poser la question, Pascolino, comment tu t'es retrouvé dans cette cabane? Je sais que la police. La police et l'intervention. Alors, il dit qu'en fait, il était poursuivi par la police. Il était en situation qu'il qualifiera apparemment d'irrégulière. Et il s'est réfugié dans le jardin de votre grand-mère, Richie, qui l'a protégé et l'a caché. Chose assez inhabituelle pour votre grand-mère. Et il la remercie encore. Depuis, il parle de séquestration. Non, de protection. Pardon, protection, c'est ça. Autant je parle pas bien la langue, mais il me semble que c'est plutôt. Ouais, une erreur de ma part. Allez-y. C'est plutôt de la protection, en effet. Oui. Effet, ma grand-mère m'a déjà parlé de ça. On aura l'occasion d'en parler avec Mamie Bouze. Peut-être elle nous donnera sa version des faits une autre fois. Mais on ne va pas embêter Pascolino plus longtemps. Et j'ai envie de juste savoir, Pascolino, parle, tu as le micro. Quelles sont tes envies pour 2017? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Liberté. Alors, Pascolino est en train de nous dire justement que pour 2017, il a envie de continuer pour Fruit de la Station, qu'il adore cette émission. Il adore être dans le cabanon de la grand-mère. Un peu dans la lumière, peut-être. Petit peu plus dans la lumière, mais qu'il adore être en tout cas dans le cabanon de la grand-mère. Qu'il adore travailler pour nous, qu'il adore masser, en effet, la grand-mère de Richie Booth, comme on l'a déjà dit. C'est pour lui vraiment une partie de plaisir. En même temps, qui n'aurait pas envie de travailler pour nous? On est un petit peu, sans nous jeter des fleurs, encore une fois, les employeurs rêvés. C'est vrai. Et votre grand-mère est une femme adorable. Mais bien sûr, et qui vient me dire le contraire? Personne, et ça ne sera certainement pas Pascolino, qui la connaît très très bien. Il ne dira jamais ça. Pascolino, déjà, est bien heureux et bien sympathique de nous remercier. C'est vrai. On l'aime plus que tout au monde. On a fait beaucoup pour lui. Il y a un moment où ses interventions... Moi, j'ai peut-être crevé un petit peu en abcès, mais où ses interventions... Vous avez le droit. ...inopinées au cours de l'émission deviennent un peu pénibles. Un peu pénibles. Je ne sais pas. Je veux dire, il n'est pas chez lui. C'est ça. Et puis, je veux dire, il n'est pas français. Les auditeurs nous l'ont déjà fait remarquer à plusieurs reprises. Qui est cette tierce personne qui vient interférer dans le duo exceptionnel que nous sommes, vous et moi? Et qui est cette tierce personne qui vient d'aragouiner? Ah, putain. Incompréhensible pour la plupart de nos auditeurs. D'ailleurs, je vais proposer de faire une sorte d'annonce et parler sous le contrôle de Pascolino pour dire que si un auditeur nous écoute et a une bonne âme et qu'il veut recueillir lui-même Pascolino, c'est très possible. Qui un jour, qui une semaine, qui 10 ans, il est le bienvenu pour l'accueillir et pour. Je pense que Pascolino sera ravi, hein, Pascolino. Pas trop non plus. Ce qui peut d'ailleurs se faire par l'intermédiaire du site pascolinogo.be. Pascolinogo, oui. /gouv.fr. Barrez-vous, Pascolino. Ouais, alors, bon, j'espère que ça vous a plu de rencontrer un petit peu notre équipe. Voilà. Qu'on aime, enfin, moi je l'aime comme un frère, Pascolino. Plus qu'un frère, parce que je suis fils unique. Donc, ah oui, voilà. Vous êtes fils unique, Jean-Bierre, j'ignorais. J'avais un frère, mais en fait, il s'est avéré que c'était une fausse couche. Fausse couche grillée frites à Malguenac, 5€, concert de Job Lagadec. En même temps que la paye la disco et que la raclette dubstep. C'est sympa. Mais écoutez, je crois que après une bonne interview de Pascolino, on peut rendre les armes, rendre l'âme. Je pense aussi. J'espère que vous avez tous apprécié ce numéro 4 de Fruits de la Station, saison 1, épisode numéro 4. On a fait tout ce qu'on a pu, on vous a tout donné ce soir. On vous aime. On dirait que c'est la mendicité, quoi. Non, on a fait tout ce qu'on a pu. Allez, les Maurice. Pas du tout. Merci à tous. complètement. C'était la numéro 4 de Fruits de la Station. La prochaine sera peut-être avec un invité. On vous aime tous. Peut-être. On dit bien peut-être et c'est parti. Toun, toun, toun, toun, toun, toun.